et ça se passe toujours plutôt bien pour les Daft Punk, toujours numéro 1 de l'Eurodance 25 depuis plus de 3 mois maintenant, toujours numéro 1 en Europe. Daft Punk Get Lucky, je vous file le top 5 de ce soir. En deuxième, on avait Major Lazer, en 3 Armin Van Buuren, 4e l'arrivée d'Avicii dans le top 5 et ça risque de faire très mal dans les prochaines semaines. On reparlera forcément du Wake Me Up, peut-être un futur numéro 1 de l'Eurodance 25. Numéro 4 en tout cas cette semaine, le DJ découvert sur Fun Radio et 5e Calvin Harris avec la Need Your Love. Et important également les deux entrées de la semaine, l'entrée d'Alesso avec One Republic pour le If I Love Myself en réentrée et l'entrée de Chotek avec Get Loose. Voilà, je vais aller dormir parce que le week-end était épuisant. Ouais, ça me paraît un bon plan ça. Mickaël qui lui est en pleine forme. Bah écoute, ouais, ça passe plus. Bah, heureusement, hein, dimanche soir, tu m'étonnes. Si tu veux, tu vas voir dans le bureau, on a des petits trucs qui vont te faire, qui vont te mettre un peu de patate, un peu de guronzan si tu veux là. Très bien. Ça pourra peut-être te servir. Je vais tester ça pour mieux. Ah, très bien. Bon, ben retour de l'Eurodance la semaine prochaine. Dimanche, 18h, même punition. Très bien. Pedro t'embrasse d'ailleurs pour la punition. Allez, bon week-end à toi, bonne fin de week-end. Et puis bah, là, c'est parti. Là, on est parti. Mickaël, No Limits, c'est jusqu'à 23h sur Fun. No Limits. Mickaël. Sur Fun Radio. Ouais, et on est en direct sur Fun Radio là. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir. C'est dimanche soir et le dimanche soir, nous sommes là, évidemment, en direct avec vous toutes et vous tous. Évidemment, le numéro du standard fonctionne, bien évidemment, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Sandro va bien ? Ça va, ça va. Bon, top va bien aussi ? Au taquet. Parfait. Et comment, t'allais dire un truc ? Non, j'ai dit au taquet. Ah d'accord, très bien. Polo aussi en pleine forme ? Je suis plus qu'en forme ! Bon, bah tant mieux. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc venez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait. Si comme Sandro, vous avez été vous prendre pour une reine au château de Versailles. Ça s'est oui, mal terminé, bonjour, surtout, oyez, oyez, oui, je suis la reine de France. Bon, il y a la photo qui est sur le Facebook, là, vous pouvez aller voir. Il y a eu beaucoup de likes sur la photo, hein. Ouais, ouais, bah, ouais. Je sais pas si les gens ont kiffé ta gueule ou ton décolleté, je sais pas. Oui, j'hésitais aussi. Je sais pas. Tu as sué un peu, non ? Un peu, hein. J'ai sué, oui, parce que ça s'est mal terminé. Ah bon, c'est-à-dire ? Parce que je vous raconterai tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Bah, écoute, on est impatients. Donc, allez voir la photo. Du décolleté de Sandro et bon de Sandro aussi au passage accessoirement, enfin bon peu importe. Oui, oui, donc facebook.com/Mickaël officiel et puis comme tous les soirs bah, c'est vous qui faites l'émission avec nous, venez nous parler, vous parlez avec nous, vous parlez de ce que vous voulez. 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. On parlera aussi mode et en parlant de chaussures là j'ai trouvé un site qui donne votre personnalité en fonction de vos chaussures. Alors dites-moi ce que tu portes par exemple et bah, je te dirai qui tu es. Voilà, ça c'est le slogan du site. Donc par exemple Tof qui lui est plutôt mocassin. Bah oui, complètement, oh là là. Mocassin, gros blanc. T'es plus quoi, chaussures street? Ouais, chaussures street, ouais. Voilà, wow. par exemple pour lui, c'est. Alors, c'est hype aux pieds des étudiants et au début de la vingtaine. Après, ça veut juste dire que vous êtes immature. Et avec un costume, il n'y a rien de plus ridicule. C'est exactement ce que Top fait. Des chaussures d'immature. Et en plus de ça, quand il met un costard, il met ses baskets. Ouais, mes grosses Vans. Voilà. Et toi, Sandro, c'est plutôt quoi comme. Un peu tout, mais là, j'ai des baskets compensées, on va dire. Ah, compensées, j'ai vu ça. Trucs compensés. Les compensés, vous avez confiance en vous et vous êtes quelqu'un d'extraverti. Ah, extraverti, pas trop, hein. Ouais. Un peu quand même. Tu veux que je te rappelle comment tu téléphones dans le bureau? Ouais, c'est ça. Ah non, ça va. Ouais, ouais, tranquille, et toi? C'est parce que vous faites du bruit dans le bureau. Ah non, mais c'est-à-dire que tout fun est au courant de qui va passer dans l'émission, de qui a gagné quoi, etc. C'est dynamique, c'est pour ça. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis Polo, c'est pareil aussi, basket, un peu comme Tof, quoi. Ouais, non, chaussures street. Non, non, non, c'est des Air Max, ouais. Ouais, bah ouais. Eh ben, Vans, Nike, Converse, pareil. Non, mais des Nike tunés qui coûtent cher, c'est pas les Vans à 20€ là de Tof. Ouais, bon, bah dites-nous, vous les autres, comment ça se passe si vous voulez aussi savoir bah, qui vous êtes, à quoi correspondent vos chaussures, bah, dites-moi ce que vous portez sur Twitter, vous mettez le hashtag Mickaël et comme on est dans la chaussure, là je vous ai mis sur Facebook aussi, facebook.com/Mickaël officiel, une vidéo d'une surfeuse qui fait du surf en talons hauts, talons aiguilles. Donc je me suis dit qu'on devait essayer. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'eau à la radio, hein. On a essayé de faire une rivière dans le couloir, ça n'a pas bien marché et puis on n'a pas de planche de surf accessoirement non plus, donc on va faire ça avec un skateboard, hein. Donc on a des potes skateurs et ouais. Bah oui. Et on peut pas tout avoir. Qu'est-ce que tu veux ? Donc voilà, donc on fera ça tout à l'heure. Vous allez pouvoir suivre ça évidemment en direct sur Fun Radio. On va aussi évidemment se réécouter le chéri, je peux te faire cocu de la semaine dernière. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était ça. Un soir et puis voilà et puis tu rentres à la maison et comme si rien n'était. Bah oui. Bah oui, voilà, rentres à la maison comme si de rien n'était. Donc on est à l'occasion d'écouter le chéri, je peux te faire cocu de la semaine dernière. On jouera bien évidemment dès demain. Et si vous voulez vous inscrire pour demain justement, vous appelez Sandro maintenant au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Alors vous pouvez aussi nous appeler pour ce que vous voulez. Bien évidemment, c'est votre émission, vous connaissez le principe maintenant. Et puis on accueille Sabrina qui est avec nous maintenant. Bonsoir Sabrina, t'appelles pourquoi? Bonsoir, bah écoute, moi j'appelle tout simplement parce que... Oh, arrête, c'est quoi cette voix là? Bah, je sais pas, j'essaie de faire la même que la tienne, Sabrina là. L'autre elle arrive avec une voix suave là et après elle s'étonne que je fasse pareil. Sabrina, je me caresse le téton. C'est qui ça? Ça m'étonne pas, espèce de pervers. Donc Sabrina, ouais. De quoi nous parlerons avec toi tout à l'heure? On va parler tout simplement que je me suis fait avoir parce que je sortais avec un mec l'été dernier. Ouais. Sauf qu'il a menti sur son âge, donc en gros il m'a dit qu'il avait 28 et je me suis retrouvée à sortir avec un mec qui avait 23 ans. Donc autant dire que c'est l'âge de mon frère. Ah voilà. Oui, un peu, effectivement. Ouais. Ah bah très bien. Voilà. Bon bah écoute, on en parlera dans quelques instants. Tu restes là alors, Sabrina, d'accord? Pas de soucis. Bon, on aura aussi DJ Ghost avec nous. Tiens, on l'avait eu jeudi, je sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait pas eu le temps de terminer avec lui. Donc t'es là, Ghost? Ouais. Bah, t'as toujours pas de prénom alors, toi, non? Bah, en fait, je peux pas le dire et tout parce que. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit que tu t'appelais, qu'on t'appellerait Jean-Claude ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Quelque part par là. Bon, bah très bien. On parlera de quoi tout à l'heure avec toi, Ghost? Mais en fait, comme je t'avais dit, tu veux, mon ex. Ah oui, je me souviens. N'en dis pas plus. À 20h, n'en dis pas plus. Tu as des petits problèmes de bruit avec ta copine. C'est bien ça, hein, grossièrement résumé. Nickel. Bon, bah, très bien, on en parle tout à l'heure, Ghost. Le truc, c'est que je suis pas sûr que ce soit scientifiquement possible. Mais dès que j'ai vu ça pour moi-même, je me suis dit, c'est pas possible, con. Oui, mais justement, c'est pour ça on en parlera tout à l'heure. T'inquiète pas, Ghost, t'inquiète pas. Il y a aussi Yann qui sera là. Salut, Yann. Salut. Comment va? Salut. Ça va, et vous? Bon, oui, tranquille, on parlera de quoi tout à l'heure avec toi, Yann? On parlera par rapport à jeudi soir, au gars qui s'était coincé des bites dans un endroit insolite. Ah oui. Juste alors. Vous avez plus tout à l'heure. Non, c'était une info qui était sur BFM TV. Ouais, c'est une info qui était sur BFM TV. On avait diffusé ça, jeudi. Je vous la remettrai tout à l'heure, là, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, jeudi soir. Déjà, c'est mal si vous n'étiez pas là. Mais on la rediffusera tout à l'heure sans problème. Bah, tu restes avec nous, Yann, d'accord? Ouais, pas de soucis. Bon, et puis, côté son dance floor, évidemment, ce soir, il va y avoir du lourd avec notamment Martin Garrix. Et je rappelle que si vous écoutez un son en particulier, n'hésitez pas à vous demander. Vous êtes chez vous ici comme d'habitude. Vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter pour venir nous rejoindre et pour choisir vos sons, comme Martin Garrix par exemple qu'on écoutera tout à l'heure. Voilà, et puis si vous voulez, il y aura aussi le son Stromae. Ou encore Robin Tick. Et encore Showtech, voilà. Donc si vous voulez écouter un son en particulier là, vous n'hésitez pas évidemment, vous êtes chez vous sur Fun Radio. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. Et pour les sons en particulier, bien évidemment, bah, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter. Et on parlera évidemment avec grand plaisir de tout ça. Tiens, Benjamin qui est avec nous, d'Arles. Salut, Benjamin. Salut. Comment on va? Ça peut aller. Bon, très bien. T'écouteras un son quoi en particulier toi ce soir, Benjamin? T'as envie d'écouter quoi? Du Macklemore, d'accord. Ben on se mettra un Macklemore. On se mettra le Macklemore. Ah ben non, Benjamin, tu me l'avais demandé toi mercredi. Je l'avais mis en plus jeudi, non? Oui. Ah t'as vu? Ah t'as vu? T'as vu? J'ai qu'une parole, Benjamin. Bah du coup, t'as pas envie d'écouter autre chose ce soir? Comme on l'a déjà mis le Macklemore là jeudi. J'ai envie d'écouter du Rihanna là. Du Rihanna là, d'accord, ok, très bien. Ben écoute, on va gérer ça. On va essayer de te choper un petit Rihanna tout à l'heure avant la fin de l'émission sans problème. Ça. Une musique spéciale un peu. Bah écoute, on va essayer de gérer ça, t'inquiète, Benjamin. Ah ouais, et ce soir aussi, n'oubliez pas là, j'ai aussi la blinde de cadeaux là toute la semaine à vous offrir, notamment dans la colle du jour. Là tout à l'heure, on aura l'occasion de vous offrir les nouveaux les iPod Nano. Les iPod Nano, c'est des petits iPod avec un écran qui ressemble un peu à un iPhone mais en miniature. Donc ah ouais, plutôt pas mal effectivement. J'aurai des casques DJ aussi ou encore des écrans LED 40 pouces. On peut pas avoir les deux? Ah non, pas les deux. Oui, je me doute bien, Benjamin, que t'en veux un là, mais on en parlera tout à l'heure. Le casque. Ouais, je me doute, Benjamin. On verra si t'es sage. Benjamin, non mais on fera la colle du jour là tout à l'heure aussi. Et vous allez pouvoir jouer sur SMS, Twitter et Facebook. Bon Benjamin, on parle de quoi avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Bah là en gros je vous explique un peu. Je suis resté on va dire puceau jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Ouais, c'est pas très grave ça. Non, c'est pas dramatique. Bon bref, j'ai tenu à rester comme simple. Et à mon anniversaire, j'ai rencontré une fille, assez brave et tout. Et on s'est embrassé et tout, on a fait une bonne fête et tout, et quelques semaines après, on s'est revus et on est sortis ensemble. Sauf que le problème, c'est que j'aimais une fille auparavant, et quand je commençais à sortir avec elle, et au fur et à mesure du temps, la fille que j'aimais, je commençais à avoir de moins en moins de sentiments, mais à la place, je commençais à avoir des sentiments pour la nouvelle, quoi. D'accord. Et au fur et à mesure du temps, je commençais comme un abruti, je commençais à mentir et tout, pour pas blesser la fille que j'aime aujourd'hui. En gros, tu étais nous dire simplement que t'avais pas les couilles de dire d'être franc avec ta copine, quoi. On va dire que j'étais lâche, si vous préférez. Ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est juste rien. C'est qu'il osait pas lui dire. Donc il disait, non, mais t'inquiète pas, tout va bien. Alors qu'en fait, ça allait pas du tout. Voilà. J'ai tenté de lui parler, d'essayer de lui dire et tout, mais j'arrivais pas. Du coup, au fur et à mesure du temps, la fille que j'aime, quoi. On va dire qu'elle commençait à avoir de moins en moins de confiance envers moi et tout. Normal. Je trouve ça normal. Et alors du coup, moi j'étais comme si j'étais en mode épreuve, quand j'essaie de regagner sa confiance et tout ce qui va avec, mais sauf que il y a eu trop de mensonges et tout. Alors, du coup, ça a foutu la merde. Bon bah attends, reste avec nous Benjamin, on va parler avec toi dans un instant là. Reste là, si vous aussi vous avez déjà menti à votre copain, votre copine, quel style de mensonge surtout et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben n'hésitez pas évidemment, Toff pourra témoigner. Bah je pense qu'on va faire jusqu'à 23h hein. Pas du tout. On va peut-être même déborder jusqu'à minuit avec tous les mensonges. Jusqu'à demain. Je n'ai rien à raconter. Voilà. Parlez-vous. Bah justement, on verra. Donc voilà, si vous voulez réagir par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous envoyez, vous appelez directement Sandro qui est au 01 42 48 5000 ou alors depuis la Belgique 02 851 4x0. Et ça marche aussi par SMS. Voilà, prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Ouais, et on est ensemble jusqu'à 23h sur Fun Radio, là en direct dans toute la France. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Il y a Sandro qui est là. D'ailleurs, si vous avez déjà menti à votre copain ou à votre copine, n'hésitez pas à venir nous expliquer ça, surtout en nous expliquant le mensonge et puis surtout qu'est-ce qui vous est arrivé derrière. Est-ce qu'elle était vénère? Est-ce qu'il était vénère? Est-ce qu'il s'est barré? Elle s'est barrée? Bref, venez tout nous expliquer en détail. 01 42 48 5000. Je vous rappelle également que vous pouvez aussi nous joindre si vous le voulez directement via le Facebook et le Twitter avec notamment le décolleté de Sandro Amaté là, de ce week-end. Si vous l'avez pas encore vu là, c'est sur Mickaël officiel que ça se passe hein. Vous tapez ça sur Facebook, donc facebook.com/Mickaël officiel pour qu'on puisse en parler en direct dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis tout à l'heure aussi, ça sera dans la colle avec Arnaud dans un instant qui est avec nous déjà. Arnaud, comment ça va là? Ça va et toi? Bah oui, très bien. Arnaud, toi t'appelles pour la colle de ce soir, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bon, bah, très bien. Bah, reste avec nous, Arnaud. On va faire ça dans quelques instants. Donc, ne bouge pas de là. La colle de soir qui va vous permettre ce soir de repartir avec soit votre iPod Nano, le tout dernier là qui est sorti chez Apple, soit avec tout simplement le casque DJ. Vous choisirez celui que vous voulez. Et puis, côté son dance floor sur Fun, on se cale. Maintenant, le son de Maître Gims sur Fun Radio, c'est Ça Marche. On est ensemble jusqu'à 23h sur Fun. Bonne soirée, tout le monde. Je bosse, toi, tu n'es pas tard. Ah, on voit les pervers là qui viennent de débarquer hein, sur le Facebook là. Dès que je dis qu'il y avait le décolleté de Sandro là, paf! Du coup ça fait un petit ça fait un pic. Donc demain vous verrez c'est ça. Ah bah oui bien sûr. Attends mais c'est bon pour l'audience tu peux faire ça là. Bah bien sûr hein, Pedro qui est ton directeur d'antenne peut mettre la pression. Oui, d'accord. Hein, d'accord. Tu peux mettre la pression. On va le faire. Clairement pas. Allez, vas-y. Tu vois, tu donnes pas ton corps. Je pour donne pas de ma personne. Pour la radio. Et ça, je trouve ça triste. Ça, je trouve ça vraiment triste. Ouais, c'est ça. Pas grand chose, quoi. Ouais, on verra fin de saison. Oh, ouais, bah. Fin de contrat, quoi. C'est la récompense. Ouais. Elle va nous donner des bons points. C'est ça, les contrats qui servent à rien, tu vois. Enfin bon. Bon, allez, à l'instant, c'était Maître Gims sur Fun. Et puis, je vous cale aussi dans un instant, si vous voulez, le son de Martin Garrix. Bon, si vous voulez l'écouter, celui-là, Martin Garrix avec Animals, là, n'hésitez pas à demander, hein. Vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter, pareil aussi avec Stromae. Voilà, ça arrivera tout à l'heure, ça, sur Fun Radio. Et puis, on va récupérer notre ami Benjamin qui est avec nous, là. Toujours là, Benjamin. Ouais, je suis là. Bon, très bien. De Arles, donc, dans les Bouches-du-Rhône. Toi, t'avais perdu ta meuf à cause des mensonges, crise de jalousie, pardon. Il y avait Juju aussi sur le Twitter qui dit, ah, c'est par rapport à Sandro. Tiens, elle est très bien, la photo de Sandro. Bah oui, on n'a pas dit le contraire. Pourquoi mentir? Ça n'apporte que des soucis. Grégoire qui dit, moi, je suis pilu depuis ce matin. Bah, on va lire ça dans un instant. C'était par rapport aux chaussures également. Ça arrive dans quelques instants. Il y avait quoi aussi? Thibaut qui dit, enfin, Mickaël Now sur Fun Radio. Bah ouais, on est là, Thibaut, là. Merci à toi d'être là. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis, message qui est arrivé avec Mickaël, tunique accessoire, Sandra, la planche de surf, Flo, etc. Les chaussures. Ouais, c'est vrai aussi, effectivement, ouais, effectivement. Bon alors, Benjamin, pour revenir un petit peu à ton sujet, donc au niveau des mensonges, etc. C'est vrai que c'était pas très très clair quand t'es venu nous expliquer ça. Donc en gros, toi, t'as à force de mentir à ta copine, finalement, elle s'est barrée quoi. Non, il y a pas que ça. C'est à force de mentir, il y a eu manque de confiance, ben manque de rassure pour me rassurer. Et au final, je pétais les plombs, elle pétait les plombs, et au final, on s'est battu. Ah, vous vous êtes battu? Ah oui. Mais genre, vous êtes mis des pains dans la tronche? Ouais, ils jetaient les assiettes à travers l'appartement. Non, mais sérieux, c'est ça? On va dire à peu près ça, ouais. Wow. Ah ouais, carrément. Mais alors, genre, tu lui as mis des patates, elle t'a mis des patates, il s'est passé quoi? Ben, elle, on s'est mis des gifles et on s'est secoué. Et elle, enfin, on va dire que c'est tout, voilà. Et qui a gagné? Ben, elle. De quoi, quoi? Soit moi j'ai tombé dans les pommes parce que j'arrive pas à contrôler ma colère. Ouais. Ou soit on se séparait et on partait quoi. On partait chacun chez soi quoi. Ah ouais. D'ailleurs Tof, t'en la joues? Quoi? Aïe. Voilà, c'est tout ce que tu méritais. Non, j'essaie de faire pareil ici pour voir si ça se passe bien. Mais je vais voir à partir de quand toi va se barrer. Attends, je recommence. Aïe. Voilà, encore une fois, mais non, ça. Il est toujours là. C'est le roi du mensonge quand même, lui. Oui, c'est oui, bah, justement. Mondial. Aïe. Voilà. Il a menti, rementi, bah, rementi. Toujours menti, c'est menti, faux, menti. C'est ouais. Faux, c'est faux. Bah, presque je rien. Mens ouais. Jamais. Ouais, c'est je ça. Je suis la vérité même. Même ça, tu mens. Même là-dessus, il raconte des conneries. Menteur. Bon, Benjamin, donc toi, ta meuf s'est barrée. Aujourd'hui, quoi, tu veux la récupérer? T'aimerais la récupérer ou t'es juste venu nous dire, bah faites gaffe parce qu'à force de dire des conneries, il y a un moment on est perdu dans ses mensonges et au final tout tombe quoi. En gros, j'ai deux principaux sujets quoi. Ouais. Et un objectif plutôt. La première, c'est jamais mentir. On va dire, comme on dit entre potes ou quoi, porter ses couilles et dire directement la vérité. Ouais. Et de deux, ben j'aimerais tant la récupérer parce qu'elle me manque trop et ce qui me fait le plus chier, c'est qu'elle est avec un mec, sauf que le mec lui monte la tête contre moi. Ah bah oui, mais il a raison en même temps. C'est-à-dire que attends, ça en est c'est terminé. Merde, je recommence. Ça s'est terminé. Vous êtes oh là là. Moi j'arrête un Pedro ce soir. Ça sert à rien là. Donc ça s'est terminé. Vous tapiez dessus. Donc forcément le mec, quand elle lui a raconté tout ça, il doit se dire attends, le mec c'est un fou furieux. Faut plus le fréquenter. Le mec il en a profité le mec et il sort avec maintenant. Mais oui, mais il a raison. Mais oui, mais moi je ferais pareil. C'est-à-dire que si j'avais une meuf, je veux pas dire retourne avec ton ex, il est super bien en fait. C'est ça, le mec il est super cool alors que vous étiez en train de vous taper dessus. C'est normal, moi je ferais pareil. Il faut pas avoir de la haine contre lui, Benjamin. C'est contre toi que tu dois avoir de la haine et contre elle, à la limite, tu vois. C'est vous qui avez fait n'importe quoi. C'est surtout moi quoi. Voilà, bah donc voilà, tu es même pour vouloir au mec, la limite c'est bien. Si le mec s'il est tombé sur un mec bien, tu devrais être content de pouvoir. Je sais que ça se fait chier parce que toi t'es en kiff sur elle, mais tu devrais être content qu'elle soit tombée sur un mec bien si tu l'aimes vraiment. C'est pas, on va dire oui et non, parce qu'avant le mec la supportait pas parce qu'elle on va dire que la traitait de tous les noms, genre pute, salope, etc etc. Et alors du coup là, vous voyez là, ça fait. Ouais, aujourd'hui je comprends, t'es là. Et attends une seconde, il y a Kevin aussi qui est avec nous là. Salut Kevin. Kevin. Allô. De Nancy. Allô. Comment ça va Nancy, Kevin? Ça va et toi? Bon, ça va très bien, Kevin là. Est-ce qu'il y a toujours autant de jolies filles au mètre carré à Nancy là? Ah ouais, toujours. Ah là là là là là là, ça c'est une de mes villes préférées en France, Nancy. Bon, pas pour la beauté de la ville, hein. Mais c'est une belle ville. C'est beau. J'ai pas dit que c'était pas beau. Je dis que c'était pas ma ville préférée par rapport à sa beauté ou quoi que ce soit. C'est juste par rapport aux étudiants qu'il y a dedans, quoi. Oui. Voilà, c'est ce que tu veux dire, je vois. Ah bah non, mais c'est-à-dire. Ah mais c'est une des rares villes où quand tu te balades, en fait, tu te retournes pas sur une bonne, tu te retournes sur une fille moche en disant. Ah bon? Mais il y en a aussi qu'elle ici. Fait là. Ouais, c'est ça, tu vois, t'es assez perturbé. Franchement, j'ai un très bon souvenir de Nancy d'ailleurs. Ouais, moi aussi. On peut aller à l'occasion à Nancy, ça va être un grand plaisir. Ah ouais, moi je suis là. Hein. Ah bah ouais, mais toi on s'en fout, Kevin. Si toi, c'est un garçon, je peux pas te faire remarquer. À moins que t'aies une sœur ou. De quoi, Kevin? Tu clashes à ce que je vois, Michael? Mais non, mais à moins que t'aies une sœur ou des copines, parce que. Ah ouais, éventuellement pour Tof, ça pourrait être intéressant, éventuellement. Ah, pour Tof. Ouais, bah voilà. Non, moi je touche pas à Tof. Tof, il est dégueulasse, tu touches pas. C'est faux. Tu découvriras des plaisirs que tu ne connais pas. Ouais, tu parles. Ah non. Kevin, toi, tu voulais réagir par rapport à Benjamin, toi? Ouais, en fait, tu vois, moi aussi, j'étais avec toi, j'étais avec une meuf, tu vois. Ouais. Tu vois. Et tu vois, j'étais avec elle, et puis tu vois, j'étais pas très sérieux, tu vois, je faisais le malin. Ouais, je vois, ouais. Je faisais le malin, je faisais pas attention à elle, je m'en foutais, tu sais. Ouais. De plus en plus, tu vois, à chaque fois qu'elle me disait, viens, on se voit, je dis non, je suis malade, j'ai pas que ça à faire, j'ai des soucis, j'ai le travail, tu vois, j'essaie de l'embrouiller, quoi, je venais à la place, quoi. Ouais, je vois bien. Et elle, à un bon moment, elle en a marre, et puis elle voyait de moins en moins. Mais tu vois, elle, c'est le genre de meuf, elle était love, tu sais. Ouais, non, elle était en kiff, ouais. Elle était en kiff, grave, tu sais, genre, elle a attendu la... la première minute du jour de mon anniversaire pour m'envoyer un message, tu sais, pour me dire ouais, je suis la première, je t'aime, je te kiffe et tout. Oh, c'est mignon. Bravo. Et moi, tu sais, je m'en foutais un peu, c'est pas bien, mais bon, maintenant je regrette un peu parce que tu vois, je suis passé peut-être sur une belle occasion. Bah ouais, mais ça après, il fallait réfléchir avant aussi, hein. Voilà, pas de ça, on réfléchit. En fait, les mecs, on est comme ça. Mais oui, mais les mecs sont cons, c'est pas nouveau, ça. Ça c'est depuis longtemps. Alors... Ça ne veut pas dire que toutes les meufs sont intelligentes, hein. Commencez pas, les filles. Mais c'est vrai que le mec est un peu con à la base, tu vois. C'est-à-dire qu'il est persuadé que tout va lui tomber du ciel. Non, mais le mec pense avec sa bite, alors que la meuf, elle réfléchit un peu plus, quand même. Voilà. Bah, tu vois, c'est très facilement pas avec ses talons aiguilles. Ouais, la fille réfléchit quoi, tu dis, Kevin? Avec ses talons aiguilles. Avec ses talons aiguilles. Ouais, bah, elles n'ont pas tous des talons aiguilles, hein, quand on voit ce qui arrive, là, par rapport au message, là, à propos des chaussures. D'ailleurs, on va en reparler dans un instant, tiens. Bon, bah, attends, bouge pas, Kevin. Benjamin, reste là aussi. J'aimerais voir l'avis de filles également, là, par rapport aux mensonges, là. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des mecs qui vous ont, menti, les filles? Comment est-ce que vous l'avez vécu? C'était quoi le mensonge? Et puis surtout aussi, est-ce que vous avez déjà menti, mademoiselle? 01 42 48 5000. Vous appelez, le standard. C'est Sandro qui s'y colle, comme chaque soir. Et puis, pour la Belgique, 02 851 4x0. Vous restez là, les mecs? Bon, bougez pas de là. Et puis on va se faire la colle de soir également là ce soir. C'est parti, la colle avec Arnaud qui est avec nous. Salut Arnaud. Salut Mickaël. Comment tu vas bien? Bah ça va bien et toi? Bah ça va très bien. Bon, tant mieux. Alors, bienvenue à toi Arnaud. Donc on va se faire la colle de soir là. Et la colle de soir, c'est pour gagner donc soit votre iPod, l'iPod Nano, le dernier en date de chez Apple, soit tout simplement le casque DJ. Alors Arnaud, la règle est très très simple. Tu vas donc poser une colle. Les auditeurs doivent deviner. Si personne trouve, tu gagnes. Si quelqu'un trouve, forcément c'est la personne qui trouve et qui a été sélectionnée qui gagne. D'accord Arnaud? D'accord, il n'y a pas de souci. Bon allez, fais péter la colle de soir Arnaud, on t'écoute. Alors... C'est nécessaire la musique là? Ouais, c'est nécessaire, ouais. C'est la musique de la colle. Voilà, alors on t'écoute. Quelle est la différence entre Windows et un virus? Quelle est la différence entre Windows et un virus? Ouh, ça c'est une colle de geek ça. Ça c'est un pro Apple qui parle, non? Hein, Arnaud? Tout à fait. Hein, t'as l'ordinateur avec une pomme dessus toi, non? C'est ça. Bon, alors répète la colle de soir, Arnaud. Alors. Quelle est la différence entre Windows et un virus? Très bien, donc quelle est la différence entre Windows et un virus? C'est la colle de soir d'Arnaud. Donc si vous avez la bonne réponse, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter pour venir nous rejoindre. Et puis je vais mettre un post également là sur le Facebook là si vous voulez également jouer sur Facebook pour gagner votre iPod Nano. Ou alors votre casque DJ. Donc quelle est la différence entre Windows et un virus? Arnaud, tu restes avec nous? C'est ça, tout à fait. Bon, si quelqu'un trouve, la personne qui aura trouvé, qui sera sélectionnée, repart avec le cadeau. Sinon c'est toi Arnaud, à tout de suite Arnaud. Allez, à tout de suite. Avec une colle de geek, donc, ce soir, apparemment. Allez, restez sur Fun Radio, on va revenir dans un instant. On aura aussi Sabrina dans un instant. Elle est déjà là, Sabrina, avec la radio à fond de balle derrière. Ouh, même la musique. Regarde, avec de l'écho, c'est top, non? Ah oui, ça donne vachement mieux. C'était top avec l'écho. Bon, on va la reprendre dans un instant, la Sabrina, là. Juste le temps d'écouter le son de Martin Garrix, maintenant, sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 23h sur Fun Radio. Prévenez vos potes également, à 20h-23h pendant tout l'été. Bon, en gros, la dernière semaine, là, on est là en direct sur Fun Radio, donc profitez-en. Même le dimanche soir, on vous abandonne pas et on se fait un son découvert maintenant dans Party Fun que vous retrouverez à 23h. C'est Martin Garrix maintenant et Animals sur Fun Radio. Bonne soirée. C'est le 01 42 48 5000. Le numéro du standard, si vous voulez nous joindre ce soir, là, n'hésitez pas. Je vous cale aussi dans quelques instants, comme promis, le son de Stromae. Ouais, et si vous voulez aussi écouter Calvin Harris, là, ça arrivera tout à l'heure. Et je rappelle que si vous voulez écouter un son en particulier, vous mettez le hashtag Mickaël et puis vous mettez le son que vous voulez entendre, comme Calvin Harris, Stromae ou encore Robin Thicke. Voilà, avec To Give It To You, il suffit de demander et puis on vous le passera avec grand plaisir tout à l'heure. Il y a d'ailleurs Benjamin qui avait demandé après le son de Rihanna, là, on en calera un tout à l'heure, un son de Rihanna, là, sans problème et avec plaisir. Message d'Anaïs qui dit, la musique de la colle, on dirait qu'il y a un moustique qui passe, c'est horrible. Comment ça, on dirait un moustique, c'est celui-là? C'est une horreur, c'est insupportable. C'est insupportable. J'ai envie de jeter un truc dans la tête à toi. Mais c'est le signe de la colle. En face de moi, en faisant le moustique, là, c'est hyper énervant. C'est une horreur. Est-ce qu'on peut lui mettre une baffe dans la gueule? Vas-y, si tu veux. Attends, tu peux lui mettre. Vas-y. Voilà. Ah ouais, mais bon, mec, après, tu cherches les emmerdes. Tu les as après, hein, qu'est-ce que je te dise. Bon, attends, ça commence. Voilà. Et Lucas qui dit salut Mickaël, toute l'équipe, la Réunion aussi vous écoute, vous déchirez. Eh bah salut l'île de la Réunion qui est en direct ce soir avec nous, là ça fait plaisir. Il y a quelle heure il est là-bas? Alors du coup, il y a 2 heures de plus, c'est ça? 2 heures de plus, ouais. 22h30 à la Réunion, c'est bien. C'est pas mal. Donc à la Réunion, techniquement, on a fini en 30 minutes. En fait, j'aime bien cette émission. Ouais, ouais, c'est cool. Commence à 20h, termine à 23h avec le décalage horaire. Eh, mais dites-nous là, il faut qu'on passe à la Réunion là pour vous voir. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on fasse l'émission en direct de la Réunion. Faut qu'on fasse le tour de France, le tour de Belgique, le tour de la Réunion. Apparemment, on est dans les dom-toms. Ah, on est dans les dom-toms aussi. Tahiti. Ah bah Tahiti, allons-y. Nous, il y a pas de problème. On fera le tour de tous les émetteurs de fun. Martinique, Guada, tout voilà. Ça. On arrive. Voilà, c'est ça. Bon, juste d'un quart qu'on verra. Parce que apparemment on est full là. Tof va y aller là. On est full. On enverra Pérou à Dunkerque, hein. Oh. Il ira faire l'émission, le standard là-bas, ça va être cool. Bon, Juju qui dit au quotidien petite basket et pour les sorties on fait l'effort avec les talons. Ah bah très bien. Alors petite basket, on l'a déjà eu tout à l'heure. Alors pour les talons, où est-ce qu'ils sont les talons? Bah je sais pas, les talons parfait. Si, les talons. Ah si, les petits talons, exactement. C'est une femme qui se connaît bien, qui est bien sa peau et elle est sûre d'elle et sexy. Ah bah très bien. Tiens, bah Tof est intéressé par Juju apparemment. Bah évidemment, j'ai immédiatement la voir. Bah Juju DS, tout à fait. Donc je rappelle que c'est un site sur lequel on est tombé, donc en fonction des chaussures que vous mettez, on peut vous dire qui vous êtes justement. Et donc Tof qui lui met des chaussures style basket par exemple, donc c'est un mec qui a hype tendance au début de la vingtaine, mais aujourd'hui il est très immature et quand il met ses baskets avec un costume, c'est encore plus ridicule et c'est exactement ce qu'il fait. Oui. Bah voilà, donc c'est voilà en toute simplicité. Il y a Clara qui dit tu vois. Oui, je crois qu'on voit Kevin. Oui, Kevin avait une petite tendance à effectivement placer des tu vois un peu partout. Bon, retour avec Benjamin là. Toujours là, Benjamin? Ouais, je suis là. Bon, parfait. Alors Benjamin qui nous avait appelé parce que à force de raconter des mensonges à sa copine, bah forcément elle s'est barrée. Et ça s'en est même arrivé aux mains, hein. Ils se sont tapés dessus. Aujourd'hui, ils sont séparés. Elle a un autre mec et l'autre mec lui dit bah non, faut pas retourner avec lui, c'est un fou. En même temps, il a pas tort, hein. Et s'il connaît pas toute l'histoire, c'est clair que il récupère une meuf qui est avec enfin l'ancien couple, il se tapait dessus. Je veux dire, il y a un moment, mets-toi un peu à sa place quoi. Hein? Bah oui, d'un côté bah, oui. Mais... Bon, attends, il y a aussi d'un autre côté aussi, quand j'ai vu que j'ai jamais vécu une longue histoire comme ça et que j'arrivais pas à communiquer avec elle parce que j'avais un manque de confiance en moi. Ouais. D'un côté, ça se comprend, mais d'un autre côté, voilà, quoi, il fallait pas le faire, quoi. C'est que j'en regrette et que j'ai honte de moi, quoi. Oui, non, mais on est d'accord. Attends, il y a aussi, il y aura Christian dans un instant. Il y a Marie-Laure aussi qui est avec nous maintenant. Bonsoir Marie-Laure, tu nous appelles pourquoi? En fait, moi, j'appelle parce que j'ai mon mec, moi, qui m'a menti. Ouais. Il m'a dit que... Il s'appelle Tof. Ouais. Putain, je le savais. Merde, on se connaît. Ouais, voilà. Et lui, il m'a dit qu'en fait, il avait son pote qui était mort devant lui avec du coton dans le nez et dans les oreilles, quoi. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge à la con? Vraiment, un truc à la con, quoi. Mais ça sert à quoi? Bah, il t'a dit ça pourquoi? Juste comme ça? Pour esquiver un resto. C'est genre au resto, tu vois, au resto. Alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, Beria? J'ai vu un mec, il est mort aujourd'hui, un pote à moi. Non, ah bon, non, mais. En fait, lui, il m'a dit ça pour justifier le fait qu'il soit pas là, quoi. Ah ouais, donc pour une soirée, quoi. Ah ouais, voilà, pour esquiver une soirée, le gars t'a sorti un truc de ouf. Voilà quoi, genre il était devant son pote qui était mort alors qu'il devait être sûrement ailleurs quoi. Ah ouais, mais l'autre il est vraiment pas fini en fait alors. Ah c'est chaud quand exactement. Même. Exactement, hein. Mais bon depuis, on n'est plus ensemble depuis ça. Après sans déconner. Il a pleuré, il a fait son cinéma pour qu'on revienne ensemble. Et, voilà. Mais tu comprends pas, écoute il est mort dans mes bras, j'ai essayé de le réanimer, ça a pas fonctionné. T'es dégueulasse, tu me quittes pour ça, c'est vraiment et dégueulasse. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, le laisser mourir seul? Voilà. Ah mais comment t'as su que c'était un mytho? Bah parce que son pote est arrivé le lendemain. Ouais, c'est un mytho. Moi, je travaille dans le médical surtout, quoi. Donc, ah ouais, d'accord, ok. Je sais très bien que c'est pas possible, quoi. Ah oui, il est con aussi, d'avoir. Voilà, et quand je lui ai dit, t'as oublié que j'étais dans le médical, quoi. Donc, il m'a dit. Ah oui. Ouais, non, mais si, il est mort hier. Mais t'y connais rien. Voilà, là on l'a, il a été expatrié au Maroc le jour même quoi. Ouais. Et en plus son avion s'est écrasé donc on a perdu son corps. Voilà, c'était peut-être un peu ça quoi. Voilà, c'est ça. Il commence son mytho, enfin c'est quand même un assez gros mytho juste pour esquiver une soirée, t'imagines, pour esquiver des fiançailles, ça part t'imagines. Dans quoi quoi. Ah ouais, c'est clair. Alors tu peux juste dire que t'étais malade et ça passe quoi. Ouais voilà c'est ça, ou t'avais pas envie de l'avoir, c'est juste. Attendez parce que voilà, ou juste dire qu'il avait pas envie, ouais voilà. Ouais. Là je pense qu'on va faire un pic d'audience là. C'est quoi le plus gros mytho de Tof? Là maintenant on peut le dire là maintenant. Le plus gros mytho là, celui aujourd'hui où tu te dis mais non. Putain ça a marché, c'est improbable. J'en reviens pas quoi, que t'as failli une meuf. Le plus gros, faut que je réfléchisse, laisse-moi un peu de temps. Bon, bah alors réfléchis, bah, on va te laisser un peu de temps alors. Laisse-moi un peu de temps, faut que je réfléchisse au plus gros que j'ai pu faire. Bon, attends, La grande spécialité de Toff, c'est quand même l'esquive. C'est-à-dire qu'il ne dit rien et puis ça disparaît comme un meuble. C'est-à-dire que là, par exemple, il disparaît puis après. Voilà. Là, je pourrais dire à Toff, ça va Toff? Je suis pas là. Je suis pas là. Si, t'es là, tout le monde te voit. Non, je suis pas là. Je ne suis pas là. Non, non, c'est ça qui est très très fort. Bon, et au final, à la fin, tu crois qu'il est pas là. Ouais, tu dis, voilà. Ah, d'accord. Bah, pardon, ah, bah, oui. Je pensais qu'il était pas là. Non, je pensais qu'il était là, je suis désolé. Bon, Christian qui est là en attendant que Toff réfléchisse à son plus gros mytho là. Christian qui est avec nous, là, 31 ans, de Charente-Maritime. Bonsoir, Christian. Bonsoir, salut, ça va? Ça va bien, et toi, Christian? T'appelles pourquoi, dis-moi? J'appelle en fait, c'est suite à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à Benjamin, qui s'est séparé de sa copine. Moi, il m'est arrivé le même truc en fait, je me suis mis avec une fille qui avait une gamine déjà, et donc elle a eu un passé qui était assez lourd avec son ex. Ouais. Alcoolique, enfin un style alcoolique, qu'on avait rien à foutre d'elle et tout. D'accord. Ils sont restés, donc il lui a fait un enfant, ils sont restés 6 ans ensemble. Et moi je l'ai récupéré, en fait elle avait plus rien, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle de son côté, enfin moi j'ai eu des déceptions aussi avant, et elle de son côté, vu qu'elle avait été déçue, en fait elle avait pas tout oublié, en fait elle faisait passer un peu trop de trucs sur moi, et donc forcément ça clashait au bout d'un moment, et à un moment donné elle est devenue violente avec moi, donc qui dit violente, moi c'est pareil, on s'est pris la tête une fois, et du coup c'est parti en live quoi. Mais Christian, on ne frappe pas les filles même avec une rose. Je regrette, on s'est expliqué, et du coup j'en ai remis une, une deuxième dans la tronche. Non, mais bon, en même temps c'était pour la calmer, parce que franchement elle était vraiment violente, c'est pas des baffes, enfin c'est pas comme une femme, c'est pas des baffes, c'était carrément un coup de poing, elle m'a fait des bleus et tout quoi. Ah ouais, donc, carrément voilà. Ah ouais, non mais c'était rendu méchant quoi. Et elle a même cassé un verre devant moi, elle a mis le verre en face de moi cassé quoi. Donc tentative de meurtre. Non mais bon, c'est aussi de la défense quelque part. En même temps, c'est vrai que c'est pas des choses à faire. Ça, je m'en suis voulu assez longtemps. Bon maintenant je m'en veux plus parce que on s'est expliqué, on sait pourquoi on a fait ça. Par contre, on est resté 4 mois séparés, ça nous a laissé bien le temps de réfléchir et du coup on a bien discuté tous les deux après. On a décidé de s'inscrire dans un match de boxe. Les cours de boxe. Voilà, on est de retour ensemble et on a prévu de se marier. Puis voilà, tout va très bien maintenant. Mais à coup de poing ou comment ça se passe? Sur un ring de boxe. Allez, c'est parti. Ça, c'est fini et voilà quoi. Voulez-vous prendre pour époux Christian? Oui. Voulez prendre pour époux votre copine? Oui. C'est le cocard. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah putain, ça va être bonne ambiance chez toi, Christian, là, non? Au départ, non, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on n'était pas prêt pour se mettre en couple, en fait. Et, je le confirme. Ce qui s'est passé, ça nous a fait vachement réfléchir. Et, ça prouve qu'en fait, deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre, voilà quoi. D'accord. Et, on est toujours l'un vers l'autre, et il y a un moment donné où on se calme, quoi. Ouais. Maintenant on a pris les fouets, les pistolets, maintenant on est au taquet, on a évolué. D'ailleurs, elle est à l'hôpital dans le coma la semaine prochaine. Hôpital dans le coma, évidemment. Ouais. Deux fois par semaine, ils vont au club sadomaso. Voilà, c'est ça. Merci Christian et Marie-Laure d'être passés en tout cas tous les deux. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Ok, ça va. Bonne soirée à tous. Merci à vous deux. Bonne soirée, merci à vous. Et à bientôt, bye bye. Et puis Benjamin, écoute, bon courage pour la suite, mais je pense qu'à un moment faut tourner la page et voit de l'avant quoi. Laisse-la partir avec son mec et puis voilà quoi. Mais si elle revient? Ah bah si elle revient après tu nous rappelles, on en discutera pour voir pourquoi est-ce qu'elle est revenue, mais là a priori c'est pas prévu quoi. Ouais. Normalement ce soir on se voit. Mais à quelle heure? C'est dans la nuit là, c'est cette nuit là. On te rappelle demain alors pour voir ce qui s'est passé. Bah oui. Ouais, peut-être. Bon, on fait comme ça alors, on te rappelle, t'inquiète. On te rappelle demain pour voir ce qui s'est passé, ok? Ça va, ok. Allez, bonne chance Benjamin et garde tes mains dans tes poches hein. Juste un conseil. Ouais. Ce soir, si je, parce qu'en gros, j'ai écrit plusieurs lettres, en gros. Ouais. Je me suis défoulé sur les feuilles. Ouais. c'est mieux. Je devrais lui donner ou non? Non. Ça dépend ce que tu dis dans les lettres. Tu n'es pas écrivain, tu n'es pas poète ou pas tout ça. Oui, mais elle t'aime. Non, mais discuter sans les mains, juste voilà. Parler, voilà, à la cool, tranquillement, et puis voilà. Et si vraiment elle veut rien entendre, là tu lui enverras les lettres. Viens avec des fleurs déjà. D'accord. Non, okay. Il risque de lui mettre dans la tête. Allez, on te rappelle demain, Benjamin. Ça va, ok. Allez, salut à toi, Benjamin. On prendra Sabrina aussi dans un instant, le retour de la colle avec Arnaud et puis le son évidemment de Tromaille qui va arriver dans un instant sur Fun Radio. Allez, bougez pas, c'est Mickaël No Limites sur Fun. Tous les soirs, on est là jusqu'à 23h. Profitez, c'est la dernière semaine avec des iPod Nano à gagner dans un instant et des casques de DJ sur Fun. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limites. Fun. 01 42 48 5000. Fun Radio. No Limites. Mickaël, No Limites. Sur Fun Radio. Exactement, et on est là en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. 01 42 48 5000. Ça marche évidemment aussi si vous voulez passer sur l'antenne en direct. Évidemment, vous appelez Sandro, donc 01 42 48 5000. On vous donnera aussi les résultats pour ce soir. Là, il y a Marseille qui va commencer à jouer d'ici quelques instants au football. Et puis on a aussi, Arnaud qui est avec nous. Tiens, Arnaud, allô, Arnaud, allô, allô, allô, Arnaud. Arnaud. Arnaud. Bah alors, ah, t'es là, Arnaud? Ah, très bien. Alors, vite fait, là, rappelle-nous un petit peu la colle de soir, Arnaud, là, pour gagner l'iPod Nano ou le casque DJ. Alors, quelle est la différence entre Windows et un virus? Voilà, donc c'est pour les geeks, hein, spécialement pour les geeks. Donc, quelle est la différence entre un Windows et un virus? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Rencard sur le Facebook de l'émission pour gagner votre iPod Nano ou votre casque DJ. C'est vous qui choisissez le cadeau. Là, vous allez sur facebook.com/mikaelofficiel. Je vous ai mis le post avec la question: quelle est la différence entre un virus et un Windows? Voilà. Donc, si vous avez la bonne réponse, allez-y. On fera un petit tour du côté des bonnes réponses d'ici quelques instants. Tu restes avec nous, Arnaud? Il n'y a pas de soucis. Bon, très bien. Alors, ne bouge pas de là. Et puis également, dans un instant, je sais que vous attendez tout ça avec impatience. C'est le plus gros mytho de Toff. Je réfléchis, j'en ai quelques-uns quand même. Ah, ben sans blague, ouais, effectivement, ouais. Il doit y avoir du lourd. Hein. Du très très lourd. Du très très lourd, ouais. Effectivement. Bon, ben ça va arriver dans quelques instants sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Twitter également, venez nous follower également. Vous tapez M-I-K-L officiel si vous voulez nous rejoindre sur le Twitter, Instagram et sur Facebook. Hein, vous tapez tout simplement M-I-K-L officiel. Et puis on va s'écouter belge maintenant, c'est Stromae sur Fun Radio avec Papa Outé. Ça branche tout le monde? Ah, j'adore. Ouais. Hein. Ah, c'est parfait. Bon, en même temps, vous n'avez pas le choix, il a démarré là. Ouais, donc c'est mort. Mais c'est bien. Dites-moi d'où il vient. C'est Fun Radio et Stromae, comme promis, à l'instant avec Papa Outé. On fera un tour encore du côté d'Arnaud dans un instant avec la colle de soir, un colle qui va vous permettre de repartir avec dans quelques instants votre iPod Nano, le tout dernier en date que vous pouvez voir d'ailleurs sur le site d'Apple. Hein, il est là tout neuf, avec le petit écran tactile qui va bien et puis avec aussi vos casques DJ, c'est vous qui choisirez. En tout cas, la colle est sur le Facebook, à vous d'aller voir facebook.com/mikl officiel. Et alors, il y a Nathan aussi qui dit le mytho, en fait, son plus grand mytho, c'est qu'il a aucun mytho. Toff est un honnête homme. Exactement. Je pense que ça, voilà. C'est la meilleure vanne. Il y a Jean aussi qui dit vous êtes extra. Ben, c'est gentil, Jean. Qu'est-ce qu'il y a aussi Cathy. Non, c'est quoi Kate Chiki qui dit le plus gros mytho de Toff. Non, mais t'inquiète, je t'offre juste un verre sans arrière-pensée. Je n'offre jamais rien sans arrière-pensée. Ouais, ouais, ça c'est clair. Et ouais. Il n'offre jamais rien. Il n'offre jamais rien, effectivement. Il y a Lucas aussi qui dit moi j'ai des chaussures montantes. Alors ça veut dire quoi les chaussures montantes? Alors les chaussures montantes, je les ai ici. Vous êtes ouvert à la discussion, mais vous n'êtes pas une imbécile et vous voulez de longues jambes. Les bottes hautes sont sexy, elles montrent que vous avez confiance en vous. Très bien, moralité, les filles, mettez des chaussures avec des bottes hautes, voilà, oui, tout simplement. Je suis entièrement d'accord. Parce qu'on était tombé sur un truc sur internet là qui disait en fonction de ce que vous mettez comme chaussures, on sait qui vous êtes. Pedro, il a quoi? Tiens, Pedro, le directeur d'antenne de Fun, il a quoi comme chaussures? Des tongs avec des chaussettes. Il a des baskets? Ouais. Alors basket, genre tennis blanche ou basket? Basket. Basket, bah c'est comme Toff, hein. Donc c'était bien quand t'avais la vingtaine, mais là t'es un peu ringard. Ah putain. C'est ce qui est marqué. Je rappelle qu'il est plus vieux que moi. Ouais, c'est ce qui est marqué. Ouais, bah enfin d'un an, toi gasse pas non plus. Hein. Peut-être, il est plus vieux que moi. Et alors pour ceux qui mettent des tongs, hein, donc seul à la maison ou sur la plage, ok, mais pourquoi les hommes portent-ils leurs tongs en ville? Ça montre juste que vous êtes trop pauvre pour vous acheter des chaussures de sport. Apparemment, c'est ce qu'il dit, hein. Donc si vous mettez ça en ville, c'est que vous êtes quand même vraiment dans la merde. Alors je parlerai des ballerines aussi tout à l'heure là. Ballerines, donc il y a la chaussure quand même la plus moche du monde. Hein, faut quand même là là, quelle horreur. Ah, c'est une horreur, je déteste les ballerines. Ouais. Qu'est-ce que c'est là alors? D'ailleurs, je vote pour l'interdiction de la ballerine. Exactement, total. Faudra qu'on en parle pour que ce soit prochaine loi, tiens, faudra qu'on la vote. Denis aussi qui dis Toff n'est pas un mytho, je bois toutes ses paroles. Eh ben dis donc, tu vas vite crever, Denis. Merci, hein. Merci. Vous le connaissez pas, c'est pour ça que vous parlez. Voilà, c'est ça. Nous on le connaît hein, depuis des années et des années et des années. Oh là on là. L'a pratiqué le salopard. Ouais. Et alors il y a Naïs aussi sur le Twitter qui dit il faut savoir que la spécialité de Toff, c'est j'arrive dans 5 minutes alors qu'il n'est toujours pas parti de chez lui. Et ça c'est vrai, Naïs. Ça, alors, c'est une intime. Ex, ouais. Alors je ne sais pas effectivement si. Appelle-nous Anaïs. Ouais, si qui tu es, Anaïs, si tu as déjà éventuellement. Bah, ouais. Visiblement oui, parce que tu dis pas ça au hasard. Hein. Bien sûr. En vrai. Bon, alors du coup, mesdames et messieurs. Quel est le plus gros mytho de Toff? Alors, ça dépend. Vous voulez le plus gros mytho en boîte ou le plus gros mytho Non, s'achète. Oh, elle était nulle, celle-là. Bon, non, le plus gros mytho que t'aies fait une meuf que tu connaissais déjà. Non, par exemple. Non, tu peux nous gâter un peu toute la soirée. Oui, ouais, c'est bon. Allez, ça. Ouais, c'est vrai. Bon, le plus gros mytho en boîte, ce soir. Je le teasing. Le plus gros mytho en boîte, là? Ouais, vas-y. En fait, donc c'était une boîte sur deux étages. Et en fait, enfin, je suis venu avec une, parce que c'était une soirée qu'on faisait avec. Attends, du coup, on parle de mytho, il y a Miko qui arrive là. Oh là là, mytho en boîte. Alors, je prends note. Tu veux me soutenir ou? Donc j'étais venu avec une meuf parce que c'était un truc avec avec la radio et donc j'étais venu avec une meuf sur place que j'avais emmenée avec moi et en fait il y avait une autre meuf que je connaissais qui était dans la boîte aussi. Oh, ouais. C'est bon ça. Dieu merci, la boîte était sur deux étages et le carré entre guillemets VIP était à l'étage du dessus. Donc la meuf du dessus ne voyait pas l'étage d'en dessous et celle d'en dessous ne voyait pas l'étage d'au-dessus. Donc c'est à chaque fois je vais aux toilettes, je vais chercher à boire. Exactement. Quel connard alors. Et attends, non, parce que le plus drôle, c'est que donc je suis rentré avec une meuf, avec la première meuf avec qui j'étais venu à l'hôtel. Je lui dis bon ben voilà machin, donc on va pour dormir. Je lui dis merde, j'ai oublié un truc et tout, faut que je reparte. Non mais t'es sérieux, t'es dans un film là. Non, je te jure, je suis allé donc baiser l'autre meuf dans un autre hôtel et je suis revenu au premier hôtel pour baiser la deuxième. Oh là là. Mais sachez que ça c'est pas un mytho. Ah oui oui c'est ça. Attends, Miko, est-ce qu'il y a aussi un mytho là? Qu'est-ce que t'as fait comme plus gros mytho à une meuf? Non, c'est pas un gros mytho, ça peut te sauver la vie. Si t'as une nana qui te drague et qui est pas terrible en boîte, c'est lui dire que t'es en couple. Ah. Même si c'est célibataire. Et inversement, si elle est c'est vrai, sympa, c'est pas mal. Tu peux lui dire que t'es célibataire. Oui, évidemment, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça restera entre. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, comme on dit. Et il y a Let's Be Freaks aussi sur Twitter qui dit on l'a pratiqué le salopard de Toff là. Merci Polo. Ah bah ouais, non, mais c'est vrai. Ah, mais attends, Il y en a tellement. Ah oui, oui, j'en raconterai un à chaque reprise. Voilà, c'est ça. On fera tout à l'heure. Restez là dans un bon quart d'heure. On va en mettre un petit coup là, effectivement. Les meilleures chaussures, ce sont les ballerines, c'est Blandine. Ah non, c'est non, les plus non, horribles. Non, hein. Non. C'est les plus horribles, horribles, horribles. Ah, je vous dirai d'ailleurs. Et en hiver, qui vous êtes. Pire. Ah bah en hiver, c'est pire. Alors les chaussettes et tout, là au top. Donc je vous dirai qui vous êtes si vous habillez avec des ballerines. C'est pire que les Hollandais en sandales sur la plage. Ouais, bah ça se vaut. Franchement, pour y devenir hollandaise avec des ballerines. Vraiment classe. Bon, Sabrina est avec nous maintenant. Bonsoir Sabrina, t'appelles pourquoi? Ah, très bien, nous a mis en attente. Et ça, c'est beau. Bah, j'ai envie de dire bip bip aussi. Voilà, nous a mis en attente, donc allez, parfait. Bon, attends, on va la reprendre dans un instant, c'est pas grave. Il y a Arnaud d'abord pour. Bah, vite fait, encore un coup là pour la colle de ce soir, Arnaud. Alors, on y va, attention. Musique de la colle. Allez, c'est parti. Ouais, je sais, ouais. Bon, Arnaud, 24 ans, là, t'es là, Arnaud? Oui, je suis toujours là. Bon, parfait. Alors, Arnaud, donc, du Loiret, si tu arrives à coller tous les auditeurs de Fun, tu repartiras avec l'iPod Nano ou le casque DJ. Tu prendrais quoi si tu gagnes? Alors, je prendrai le casque DJ. D'accord, très bien. Bon, bah voilà, pour gagner un casque DJ, et après, bah les autres, hein, vous pouvez gagner soit l'un, soit l'autre, hein, l'iPod Nano ou le casque DJ, c'est vous qui choisissez. Si vous arrivez à répondre à la question d'Arnaud, la colle de ce soir, Arnaud, on t'écoute. Alors, quelle est la différence entre Windows et un virus? Voilà, quelle est la différence entre Windows et un virus? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous jouez maintenant sur le Facebook, hein, n'hésitez pas, facebook.com/mikaelofficiel. Et bah, si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous repartez avec soit l'iPod Nano, soit avec le casque DJ. Bon bah très bien, quelle est la différence entre un virus et Windows? Et donc c'est une vanne de geek, donc, hein, et ce geek a un Mac, c'est ça Arnaud? C'est ça. Voilà. Non, il a juste un trognon pour le poser sur son ordinateur. Oui, c'est ça, ouais. Bon, Arnaud, à tout à l'heure. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Facebook.com, maintenant, bonne chance. Retour avec Sabrina. Eh, hey, Sabrina, je rêve ou tu nous as mis en second appel, là? Ouais, je vous ai mis en second appel. Je suis désolée. Tu nous as foutu dans le placard. Genre, il y a des gens plus importants que nous. Ça alors. Et là, c'est ça. Et voilà. C'était qui, exact. Sabrina? Ça ne vous regarde pas, j'ai envie de vous dire. Mais si. C'était qui, Sabrina? C'était un ami très proche, j'ai envie de dire. Ouais, mais très proche, à quel niveau? À quel point? un niveau qui vous dépasse. qui nous dépasse. C'est-à-dire combien de centimètres? Ouais, voilà, c'est d'un ami très proche. Ouais, très proche, mais à combien de centimètres de toi? Non, là, il est à quelques kilomètres de moi. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, Sabrina, alors, ouais, qu'est-ce qui se passe, toi? On va parler de quoi avec toi? Eh ben, écoute, on va parler tout simplement que je me suis fait avoir l'été dernier, puisque j'étais en vacances, tranquille. On se connaît? Est-ce que tu étais en vacances à Kémère, c'est ça? Non, pas du tout. Bon, lui, c'est vraiment Kémère. Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, il peut être en vacances partout là où on l'attend pas. Mais oui, c'est ça. Et donc, voilà. D'ailleurs, le prochain Mytho de Toff, ce sera dans moins de 15 minutes. Restez sur Fun. Bon, donc du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé, Sabrina? Bon, c'est tout simple, hein, tu vois. Donc, moi, je suis sortie avec un mec qui s'appelait Mourad, hein, je peux dire son nom, je m'en fous. Et sauf qu'il m'a dit qu'il avait 28 ans, et je découvre, par le plus grand des hasards, qu'il en avait 23. Donc, autant dire l'âge de mon frère. Mais sauf que ça, je découvre, Sabrina, moi, j'ai 32. Ouais, tu es en mode cougar, c'est rien. Mais non, j'étais pas en mode cougar. Si, t'étais en mode cougar, j'étais pas en mode cougar. Mais de 32 si, à 29. Non, non, tu non, mais si, non. Mais il faut que tu jeunes vigoureux, ça va le faire. Il faut assumer, c'est pas grave. Cougar, c'est bien, s'il y a un moment qui passe, hein. Mais j'assume tout, mais sauf que de 28 à 32, ça va, tu vois. Mais après, quand tu vois, tu découvres, tu prends ta carte d'identité par hasard, comme... C'est quand t'es avec une meuf, toi aussi, tu prends ta carte d'identité par hasard. Par hasard, j'ai ouvert son portefeuille, j'ai pris la carte d'identité, tout ça par hasard. Bien sûr. J'étais en train de fouiller, quoi. Voilà, c'est ça. T'étais une meuf, tu fouillais. J'étais pas en train de fouiller, il avait gentiment glissé dans un placard, donc je regarde. Et par hasard. Tu t'imagines que voilà, tu te dis mon Dieu, c'est comme si je couchais avec mon frère et donc là pour le coup ça a été juste l'enfer. Ouais, mais bah, t'imagines, t'aurais un problème, Sabrina, si ton frère il avait 35 ans, tu pourras pas te taper un mec qui a 35 ans. Non, 35 ans ça va, mais non, moi j'en avais 30. Non, mais non, j'en avais 32, il me dit qu'il en a 28 et je découvre qu'il en a 23. Enfin, moi je me suis tapé des meufs plus jeunes que ma soeur. Écoute-moi. Je précise, la soeur de toi est majeure depuis longtemps. Ouais. Je précise. Sauf que moi j'ai jamais couché avec un mec qui a 10 ans de moins que moi et je le ferai jamais. Ah bah donc, ça t'est arrivé là pour Ah bah là coup, c'est hein. trop tard là bah, Sabrina. Oui ça me... Quoique non, Sabrina 32 et lui avait 23, c'est 9 ans. Ouais bon, 9, 10, allez, tu vas pas commencer à crapouiller sur les... Attends, voilà, moi je suis dans le détail. T'as fait maths sup aspé toi? Bien sûr, exactement. D'accord. D'ailleurs je suis en cours d'études actuellement, comme j'ai 22 ans. D'accord, ça va. Bon bref, en tout cas ça m'a freiné direct et puis après la fin du séjour ça a été catastrophique. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc du coup c'est quoi le message? C'est juste que Non mais le message c'est juste voilà, donne ton âge et c'est tout. Au moins tu sais à quoi t'attendre. Ouais mais genre t'as jamais menti toi, Sabrina? Hop hop hop. Non, pas sur mon âge. Hop hop. Ah oui, pas sur ton âge, mais sur le reste. Mais sur tout le reste, je m'étonne tout le temps. Non, jamais. Je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit mon vrai salaire, ce que je faisais. Alors combien tu gagnes? Tu veux vraiment qu'on en parle? Non, bah écoute, si tu veux, hein. Si tu veux. J'ai pas envie d'en parler. Ah bah, c'est dommage. Faisons un chiffre et des lettres. Ah ouais, attends. On va voir si elle va pas mentir. Allez, alors Sabrina, combien mesures-tu? Je mesure 1m60. Combien pèses-tu? Combien je pèse? Ouais. Allez, je pèse 45 kilos. Ah oui, quand même. Ouais, là, je pense que tu mens un peu, mais c'est pas grave. Je mens pas du tout. Je me suis pesée ce soir, tu vois. D'accord. Quel est ton tour de poitrine? Je fais toujours du 85B depuis très longtemps et ça n'a pas bougé. Ouais. Bah là, à part la chirurgie, il se passera plus rien. J'ai pas envie de changer, toi. Excuse-moi. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Eh ben du 34. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah Toff peut venir à Marseille là ce bien soir. Bien sûr. Et en plus, moi j'ai 32 ans, donc tout va bien. Ah oui, c'est ça. Mais par contre, il m'étonne sur plein d'autres trucs. Hein. Ah, pas son âge, c'est vrai. Mais je m'étonnerai sur tout le reste. Hein. Voilà, c'est ça. Je dirais que je viens quand je viens pas. Que, voilà, c'est que c'est un beau brun aux yeux bruns avec le teint allé. C'est ça, moi je fais 1m85. 1m85. Enfin, le beau gosse, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Son plus grand mensonge, c'est quand même la taille de son sexe. Exactement. Bah bien sûr. Alors, mais combien, Toff? 18. Ouais, sauf que c'est faux. Non, mais c'est un mensonge, ça. C'est quoi? C'est 9? Faut diviser par 2? Repose la question, Sabrina. Alors, c'est quoi la taille de ton sexe, Toff? 18. Non. Voilà, tu vois que la musique ça passe beaucoup mieux là. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Minimum, ouais. En gros, le message c'est voilà, que tu sortes avec des locaux, des barman, machin. Les mecs, ça sert à rien de mentir sur l'âge. Voilà, il y a un kiff et tout, mais donne ton vrai âge. Et après, voilà, tu sais dans quoi tu t'engages, mais dis pas j'ai 28 ans, 23. Parce que regarde, toi, si t'avais dit son vrai âge, il aurait pas pu te serrer. Alors que exact. Là, il t'a serré. Ouais, peut-être qu'il m'a serré, mais sauf que ça a été pour deux soirs. Après, ça m'a refroidi. Ouais, mais ça suffit. Franchement, deux soirs, ça me va. Oui, bah c'est ça. Il y a un message d'Eric sur le Facebook qui dit ouais. Je vous écoute souvent, vous déchirez, bonsoir à toute l'équipe, continuez comme ça, c'est gentil, merci à toi. Et il y avait aussi, bah du coup dites-nous, tiens, quels sont les plus gros mythos là que vous avez balancés à votre copain, à votre copine, les trucs les plus durs quoi, voilà, les plus gros mythos, balancez-nous tout ça, peu importe comment ça s'est fini, si vous êtes fait griller ou pas, mais juste pour voir si nous on y croirait, tiens. 01 42 48 5000, vous appelez Sandro au standard ou 02 851 4x0, ça marche aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, vous tapez Mickaël officiel évidemment. Sabrina, ton plus gros mytho, donc encore un autre, non? Non, ça va, mais je te dis, moi je mens pas. Non, oui, c'est très bien. Attends, il y a Anissa qui est avec nous également de Mulhouse. Là. Bonsoir Anissa. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Anissa? Ça va, merci. Bon, très bien. Alors Anissa, tu voulais réagir à Sabrina, toi? Ben moi en fait, ça m'est arrivé un peu la même chose. Sauf que en fait, moi c'est le contraire, c'est le gars le plus vieux, quoi, il m'a bien douillé. Ouais. C'est-à-dire je pensais qu'il avait 23 ans et en fait, il se trouve que monsieur en avait 40. 23 ans il avait 40. Attends, il y a des trucs, c'est pas crédible. 23 ans, 40, ça se voit, tu vois. Non, mais j'ai vraiment rien vu, vous voyez. T'as c'est vu comme si il était presque des CD, il en avait 82. Non, mais attends, c'est comme si moi je disais que j'avais 18 ans, je veux dire, que ça passe pas, quoi. Ben, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu. Ah oui. Non, mais c'est improbable quand même, là. T'as des problèmes de vue. C'est au soleil, oui, c'est ça, voilà. Ben non, parce que franchement, moi, quand il m'a dit 23 ans, j'ai pas regardé... Ouais, t'as pas cherché à comprendre, quoi. Non, mais ouais, d'accord, mais il y a un moment, ça se voit. Entre 23 et 40, oui. Et il y a des nanas qui... Moi, je fais vachement plus jeune que mon âge. Ah, attends, c'est moi aussi, mais en même temps... Mais si, je fais 10 ans moins. Non. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma de moins, peut-être. Je fais 10 ans de moins. Mais oui. Les gens, ils sont choqués quand je leur donne mon âge. Attends. On va prendre quelqu'un qui ne connaît rien. Deux secondes. Miko. Quelqu'un qui ne connaît rien. Miko, quel mis en valeur. Donc, quel âge tu lui donnes? J'aurais dit entre 25 et 28. Ouais, bah il a tapé haut. Mais tu sais. Il a tapé haut. Non, tu sais pourquoi? Parce que je me suis coupé les cheveux. Donc, ouais. Du coup, non, mais, ouais, non, c'est mais vrai. Du coup, je fais un peu plus âgé. Mais quand j'ai les cheveux longs, les gens sur ma tête, ils me donnent 20 piges. Ouais, sur ta tête. Non, mais attends. Ouais, pour calmer les rires de tout le monde, voilà, je fais très jeune par rapport à mon âge. Ouais. Mais je te jure que c'est vrai, je t'enverrai une photo, tu verras bien, je sais pas mon âge. Bah oui, c'est ça. Polo, il est totalement disponible. Je rappelle, polo@funradio.fr pour toutes vos photos cochonnes. Voilà, POLO. Mais j'ai jamais dit que ce serait cochon. Oui, mais enfin, c'était un message en même temps comme ça pour lui faire plaisir. Une question pour vérifier d'accord. Vraiment si t'es une mytho ou pas. Est-ce que tu es une jolie fille ou pas? T'es belle ou à pas? À qui tu parles? Toi. Je pense que oui, j'ai pas mal de succès, alors, donc ça va. Envoie ta photo et nous allons savoir. C'est ça, on vérifiera. Bon, Sabrina et Anissa, restez là toutes les deux, les filles. On va revenir dans un instant. Dites-nous aussi, tiens, les différences d'âge, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes déjà sorties avec des mecs ou des filles beaucoup plus vieux, beaucoup plus jeunes? Comment ça s'est passé? Bien ou mal? Est-ce qu'ils vous ont mitonné aussi là-dessus? Vous vous êtes fait avoir? Bref, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. Ça fonctionne bien évidemment également pour la Belgique. 02 851 4x0 dans les deux cas. Vous tombez directement chez Sandro. Au standard, hein, la meuf la plus jeune. Voilà, jeune. Ça a rigolé comme ça. Non, Pedro derrière, Miko, tout le monde rigole. Hein, c'est-à-dire que t'es le clown de la soirée. Regarde, musique de Sandro. Voilà. Le clown Sandro va débarquer. Exactement. Allez, oye, appelez Sandro au standard. Elle met son nez rouge, elle vous fera rire. Elle a ses grandes chaussures de 58 de pointure. Arrête. Et tout ira bien. Bon, allez, 01 42 48 5000. Et 02 851 4x0 pour la Belgique. Elle est restée là aussi. Je vous cale le son de Calvin Harris dans un instant. Calvin Harris avec Thinking About You, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël Nolimitch jusqu'à 23h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Tous les soirs. Fun Radio. 20h-23h. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Ouais, et on est en direct sur Fun Radio. Bah oui, si j'oublie d'allumer mon micro, ça marche moins bien évidemment. J'espère que vous allez bien, c'est Mickaël No Limit. Là, on est là en direct dans toute la France avec déjà un petit résultat là. J'avais dit à 9h que ça allait démarrer le match de Marseille là. Bah déjà 2-0 hein, pour les Marseillais en 9 minutes là, c'est pas mal. Ils doivent être contents les Marseillais là, surtout ceux qui sont en train de nous écouter actuellement sur Fun Radio. Et puis c'est face à Guingamp hein, comme ça vous savez tout. Et puis on vous tient au jus bien entendu avec dans un instant les pires mythos de Toff encore hein. Dans un instant ça va arriver hein. Bien sûr, j'en ai un très très gros là. Je n'en doute pas. On aura aussi Arnaud avec la colle de soir là. Pour gagner ce soir, c'est facile. Votre iPod Nano ou votre casque DJ, il suffit simplement de répondre à la colle sur Facebook ou Twitter. Vous allez voir, je vous ai mis le post hein, sur facebook.com/mikaelofficiel. On en parle évidemment d'ici quelques instants sur Fun Radio. Et puis le son évidemment de Calvin Harris qu'on écoute tout de suite. Calvin Harris avec Thinking About You sur Fun Radio. Je vous rappelle le numéro si vous voulez nous joindre. 01 42 48 5000. Venez réagir au mytho et venez parler de ce que vous voulez. Vous êtes chez vous évidemment. 01 42 48 5000. Allez, bonne soirée sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est en direct évidemment jusqu'à 23h et c'était Calvin Harris à l'instant. Thinking About You sur Fun Radio. On est là jusqu'à 23h pendant tout l'été, là jusqu'à cette semaine-ci en fait au final. Hein, la semaine prochaine, on sera là à partir de 23h, bon, sauf le dimanche. Hein, dimanche 20h-23h. Et puis pour la semaine, hein, ce sera 23h-2h, mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler d'ici quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez toujours venir aussi sur le Facebook de l'émission là pour choper vos cadeaux et pour discuter hein, comme tout le monde. Il y a Samuel, il y a Nicolas, il y a Kia aussi qui est connecté, il y a Juju, il y a Rockstar, Clara également, Denis, Let's Be Freak, Cyril, Nicolas, je l'avais dit, Jeffrey, Anaïs, Lucas et tous les autres, hein, n'hésitez pas à venir rejoindre tout le monde, on discute tous ensemble, là, il n'y a pas de problème, tous vos messages passent à l'antenne, facebook.com/mikaelofficiel, et puis on parle aussi des différences d'âge, là, avec Samuel qui dit, moi je suis sorti avec une femme de 43 ans, j'en ai 24 et ça a duré un mois car elle profitait de moi au niveau sexe, ça allait franchement vous déchirer. Bah oui, j'imagine que t'en as profité aussi, Samuel, oui. Toi, tu m'étonnes. Genre Thibaut qui dit, bah ouais. Thibaut qui dit toute la timonaire depuis 20h, ça fait plaisir de vous retrouver. Je me suis pas trompé cette fois-ci. Non, tu t'es pas trompé parce que tout à l'heure Thibaut il avait envoyé un message. Ouais, on se retrouve dès 21h. Bah non mec, on est là à 20h hein, Thibaut. Nicolas aussi qui dit ça se tire de bourre à celui qui balancera le plus gros mytho dans l'équipe. Il y a un sacré phénomène. Ah non Nicolas, non, on sait bien qu'on a tous perdu d'avance hein. Essaye pas de d'être meilleur que Toff à ce niveau-là, on sait bien que c'est lui qui est vachement meilleur par rapport à nous dans le domaine du mytho. La Toff Academy bientôt, hein, je le rappelle. C'est ça. Et il y a Kia aussi qui dit l'amour n'a pas d'âge, de frontières, de religion, de sexe, de langage, de couleur. Stop, se focaliser sur des petits détails. On est d'accord. Et puis vous attendiez tout ça. Troisième but pour les Marseillais là. Ils sont pleins de forme en 15 minutes. Comment vous expliquer que ça va bien se passer ce soir là? Bon, alors le mytho, vous l'attendiez, le mytho de Toff. Pam pam pam. Allez, c'est parti. Alors donc en fait là, c'est j'étais avec une meuf, donc je passais la soirée avec elle et en fait il y a une autre meuf qui était d'avant. qui était un très très bon plan cul et donc un très très bon plan cul, ouais. Un très très bon plan cul. Elle faisait des trucs que peu de meufs font. Ah, c'est-à-dire des trucs que meufs, sexuellement, voilà, tu vois. D'accord. elle était très ouverte. Ouais. Et donc elle m'envoie un SMS, tu vois, mais bien bien cochon et tout, et en me disant voilà, si tu viens maintenant tu peux me faire ce que tu veux. Et donc du coup, à la meuf en face qui était là avec, je dis écoute, j'ai une pote là, ça va pas du tout. Elle va mal, je peux pas la laisser comme ça, je peux pas laisser en galère, tu vois, là sa mère va pas bien, son mec vient d'arriver. Quel enfoiré. Et donc l'autre elle me dit non mais je comprends, tu peux pas la laisser comme ça, vas-y, il y a pas de soucis. Machin. Donc j'y suis allé, je l'ai déglingué et puis voilà. Oh mais quel enfoiré. Tout ceci est vrai et réalisé sans trucage. Mais attention, ne reproduisez pas ça chez vous. Effectivement, nous sommes encadrés d'une équipe de professionnels, bien entendu, effectivement. Bon ben, prochain mytho, ce sera dans 30 minutes. Pas vrai, plaisir. Hein. Grosso modo, donc restez bien avec nous évidemment. Et dites-nous, tiens, au niveau des mythos, comment ça se passe. Au niveau des chaussures, il y a Juju qui dit les chaussures les plus horribles, c'est celles où on voit les pieds des gens. Je hais les pieds. Mettez des chaussures à bout fermé par pitié. Ouais. C'est vrai, j'aime pas trop les pieds non plus, effectivement. Le plus horrible, c'est la meuf qui met des bas avec des chaussures ouvertes. Oh là là, ouais, ça c'est dramatique. T'as l'espèce de bout, le repli de la couture qui vient juste sur le gros orteil, c'est horrible. Il y a Rockstar qui dit moi j'ai les tongs de ma sœur, c'est les tongs de Justin Bieber. Oh là, tristesse. Il y a Clara qui dit ah bah c'est qu'on commence à le connaître, notre Toff. Bah oui, ça c'est sûr. Et Denis qui dit Toff, tu es. Attends, Toff, mon seul et unique modèle. Eh bah mec, dans la vie, t'iras pas haut. Hein. Ça c'est sûr. Sinon, il y a Cyril qui dit les crocs en été, c'est. énorme, t'as les pieds à l'air. C'est une horreur. Oh, c'est peut-être énorme, mais c'est juste pas beau non plus pour le coup. C'est laid. Alors, il y a les tongs que j'avais déjà lus, et on parlait des bottes maintenant qui arrivent à la cheville. Donc, quand vous avez des bottes qui arrivent aux chevilles, donc on avait vu tout ça sur un site internet qui nous disait, donnez-nous le style de chaussures que vous mettez, et on pourra vous dire qui vous êtes. Donc, justement, les bottes qui arrivent à la cheville, vous êtes ambitieuse et déterminée, vous aimez prendre du bon temps. D'accord, ok, très bien. Et alors les mocassins, parce qu'il y en a qui mettent ça encore, oui. Vous prenez soin de vous, mais qu'en est-il de moi? Les mocassins sont sympas avec une veste de sport, par exemple. Pourquoi pas? Je voyais pas ça avec une veste de sport personnellement, mais bon. Et puis les ballerines, hein, ça y est. Voilà une personne conformiste, traditionnelle, peut-être un peu timide. Les ballerines imprimées racontent cependant toute autre histoire. Ouais. Bon, moi personnellement, je trouve ça juste moche en fait. Hein, les ballerines, c'est drôle, mais ça, elle met que ça, c'est super laid quoi. J'en ai jamais mis. C'est pour affirmer sa jeunesse, hein, son 22 ans, mais que dans sa tête, malheureusement. C'est ça. Je vous jure, je fais vraiment 22 ans. Ouais. Et puis Nicolas qui dit certaines sont vraiment pas finies et arrivent à sortir des bobards gros, aussi gros que pour pas grand chose. Ça c'est vrai, hein, y en a plein qui racontent des conneries, mais parfois pour rien. Jeffrey aussi qui dit sur Facebook, je suis au travail et j'écoute Fun Radio à fond, c'est juste énorme. Merci à toi. Et Anaïs qui dit il ne va même pas se rappeler de ses mythos, tof. Il y en a tellement. Non mais Anaïs, dis-nous qui tu es, Anaïs. Mais oui, Anaïs appelle. On veut savoir, est-ce que t'as déjà eu peut-être des rapports de près ou de loin avec tof. Mais elle m'étonne aussi parce qu'elle ne s'appelait pas Anaïs alors à l'époque. Peu importe, mais dis-nous tout, Anaïs. Fais-moi un mail, mikl@funradio.fr. Retour sur les différences d'âge, là, avec Antonio qui est avec nous maintenant du Val-de-Marne. Salut Antonio. Antonio? Oui. Ah voilà. Ça va bien, Antonio? Très bien, cool. Parfait. Bon, alors, tu nous appelles pour quoi, Antonio, toi, pour les différences d'âge? Pour te dire, bah oui. Ah, bah oui, j'ai rencontré ma copine il y a 6 ans, et elle avait 20 piges, j'en avais 40, donc. Ah ouais, d'accord, ok, alors, effectivement. Tu vois, tu me dis que je fais 35 piges à la base, tu vois, mais j'en ai 46. Ah ouais, pas mal. Pour parler, tu fais bien tes 47. Hein. Non, c'est vrai. Non, pas du tout. Ah si, je t'assure. Bon, un petit peu, mais on voit que t'as pas une voix de 20 ans. On voit que t'as pas une voix de 20 ans, Antonio, quand même. C'est normal. Un peu. Voilà, oui, bon. Et du coup, le fait que t'aies une meuf de 20 ans plus jeune que toi, ça te pose pas de problème? Pour moi, non. Non, bah ça, je me doute. Mais pour elle, parce que bon, forcément, à 27. Ça lui pose aucun problème. Oui, mais maintenant, mais alors, tu sais, dans 10 ans, et dans 15 ans, tu seras retraité, elle sera encore en pleine forme, tu vois ce que je veux dire. Hein. Et alors? Non, je sais pas. Mais attends, mais c'est pas une attaque, hein, Antonio. Je pose juste une question innocente, hein, juste pour voir. C'est pas que pour ça, non. Ça forcément, va très bien, tu y as déjà pensé. Non, parce comment que forcément, vous y avez déjà pensé. Tout à fait. Et parce que vous avez des enfants? Oui. D'accord. Et quel âge ils ont là? 5 et 6. Ah oui, vous avez pas traîné, hein. 5 et 6. C'est-à-dire qu'il était à peine sorti. Allez hop là, c'est parti, on recommence, hein. Ça y est, c'est fait. Eh ben voilà, tu vois, tu perds ton temps, hein. Non, bah t'as raison, arrivé à un certain âge, faut y aller, hein. Je plaisante, évidemment, Antonio. Oh, c'est glauque. Oh, ça va. Oh, rigole, on peut plus rire 5 minutes. On est des potes, Antonio, on peut pas rigoler, c'est ça? Voilà. Si. Bon. Et du coup, comment ça s'est passé votre rencontre, Antonio? Rappelle-moi, tu l'avais mitonné? Fin d'année. Non, pas du tout. Non, mais sur l'âge, on sait jamais, hein. Non, pas du tout, non. Elle connaissait mon âge, mon vrai âge. D'accord. Et vous êtes rencontrés où? En soirée, en Saint-Sylvestre, tout simplement. Saint-Sylvestre. Ah, donc toi, tu dis encore Saint-Sylvestre. Ouais, si tu veux. Tu dis pas Nouvel An ou Saint-Sylvestre. Nouvel An, si tu veux, mais bon. Non, mais Saint-Sylvestre, cool, tranquille. Ouais, trop cool, tranquille, d'accord. Et alors, juste une autre question, parce que visiblement, ça se passe bien, votre différence d'âge, et tant mieux, hein, pourvu que ça dure. Dis-moi la vérité, hein. Qu'est-ce que tu lui as déjà raconté comme plus gros mytho pour te sauver d'une situation, ou parfois pour lui faire plaisir? Parce que c'est vrai que parfois, on mitonne pour rendre service. Ouais. Ça arrive. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. J'ai plus besoin de ça, je suis déjà passé au-dessus de tout ça. Et elle, oui, évidemment, tu sais pas ce qu'elle t'a raconté comme mytho le plus gros, là, non? Ah, bah, ça, oui. C'est des fois qu'elle... Bien évidemment. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et bah, écoute, c'est bien, en tout cas, la preuve que ça peut fonctionner, hein, la différence d'âge. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 ans. Bah, écoute, pourvu que ça dure, en tout cas. Mais merci, Antonio, d'être passé sur Fun. Allez, ciao, bonne soirée. Et puis à bientôt, et bonne soirée à toi, Antonio. Ouais, et ciao. Allez, à toi. Ciao. Et il y a Benjamin tout à l'heure qui nous avait demandé un Rihanna, là, mais il a pas demandé de titre. Donc si vous voulez un titre en particulier de Rihanna, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez d'ailleurs la voir dans un mode très particulier sur le Facebook de Fun, en mode drogue. Voilà, c'est mal, mais elle chante bien. Donc voilà, on va l'écouter dans un instant. Si vous voulez un son en particulier de Rihanna, vous demandez, hein. Vous mettez le hashtag Mikael sur Twitter, et puis on verra ce qui ressort le plus, et puis on mettra ce son-là avant 23h sans aucun souci. On accueille Arnaud, nouveau là, le retour d'Arnaud. Oui. Pardon, je me suis trompé de musique, autant pour moi. Arnaud, donc pour la réponse à la colle de ce soir, la colle qui va peut-être eh bien te permettre de gagner un cadeau ou pas. Hein. Il y avait des réponses qui étaient arrivées justement, tiens. Alors il y avait Sébastien qui proposait aucune. Donc quelle est la différence entre un virus et Windows? Anthony? Alors. Quelqu'un proposait aucune. Non, c'est pas ça. D'accord. Il y a Anthony, un autre qui dit le virus est gratuit. Non, non plus. Non, il y a Josiane aussi qui dit Windows c'est bof. Non, non, non plus. Et alors Dominique qui dit le virus se répand rapidement. Non plus. Ok, Charlie qui dit le virus c'est pas bon. Non. Bon, les fans d'Apple diront oui, mais Windows non plus, donc bon, bref. Hein. Et c'est un point commun, ça. C'est, oui, c'est vrai, mais bon. Bon, quelle est la différence? On va appeler quelqu'un maintenant au hasard qui s'est inscrit ou inscrite sur le Facebook ou alors directement par SMS. Attention, on y va. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et a la bonne réponse, ce sera gagné. Allez. Ce serait quoi? Allô? Oui, allô? Bonjour, t'es en direct sur Fun Radio, c'est Mickaël, comment tu t'appelles? Guillaume. Ah bah Guillaume, très bien, sois le bienvenu Guillaume. Alors tu as la réponse toi peut-être? Arnaud, Arnaud, répète la question s'il te plaît. Quelle est la différence entre Windows et un virus? Alors? Alors je dirais le virus il fonctionne. Tu as la bonne réponse, bravo! Guillaume, c'est gagné. Tu veux quoi, l'iPod Nano ou le casque DJ? Dis-moi. L'iPod. Ah bah l'iPod Nano, bah on va t'envoyer ça, il y a pas de problème. Alors je sais pas si tu peux choisir la couleur, mais bon, de toute façon, il y a plein de couleurs très très vives. Tu vas pouvoir gérer ça avec Sandro au standard, la jeunette de 22 ans, hein, enfin dans sa tête. Bon. Salut. Ça dans sa tête, c'est vrai. Ah, dans sa tête, elle a 22 piges, hein, ça c'est sûr, effectivement. Ouais. Bon, je te repasse la vieille Guillaume. Arrête. C'est horrible. Salut Guillaume et Pierno, bah désolé pour toi malheureusement, ouais, mais la prochaine fois certainement. Bah oui, exactement. Ah bah. Fais attention. La prochaine fois, je te bannis des auditeurs de Fun. Tu rebalances cette expression, d'accord? Tu pourras la partager avec Sandro. Voilà, c'est ça. Oui, tu pourras partager cette expression avec Sandro. Elle va kiffer. Elle va surkiffer, tu vas voir. Ah, je pense que tu peux avoir un bon point là. Et je peux avoir un petit cadeau quand même? Ouais, on va te filer une compile, la compile Starfloor, sans problème. Ah, ok, je te remercie. Je t'en prie. Salut Arnaud, à bientôt. Merci. Allez, ciao à toi Arnaud et bonne soirée. Y a Nicolas aussi dans quelques instants là. Bonsoir Nicolas. Oui, allô? Oui, allô Nicolas, t'appelles pourquoi? Ben en fait, je suis jamais sortie avec une fille et j'ai 13 ans. Ah, ce sont les choses qui arrivent hein. Ben écoute, on en parle dans un instant si tu veux, tu restes là? Ok. Bon parfait, on s'écoute Robin Thicke maintenant sur Fun Radio, là, bouge pas de là Nicolas. Et vous aussi si vous voulez nous appeler, quoi qu'il vous arrive, hein, bon on en parle ensemble, y a pas de problème. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. C'est Robin Thicke qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Hey, hey, girl, give it to me, girl, you know. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. On est en direct sur Fun Radio, balancez tous vos messages comme d'hab, évidemment, ça se passe sur le Facebook notamment, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Et j'ai oublié de vous dire, mais il y a la vidéo aussi hein, du caca de Rossignol là, qui est dispo. Hein. Bah, ouais. Elle est disponible, caca, disponible. Sur facebook.com/Mickaël officiel. Le caca de Rossignol que nous avons eu l'occasion de tester jeudi soir. Est-ce que votre peau est plus belle du coup depuis le caca de Rossignol, Sandro Etoff? Moi ça n'a pas changé personnellement. En tout cas, moi, ce qu'il y a de nouveau, c'est que je sens de nouveau bon. Ah, ah bah oui. Voilà, tu vois, au final. Voilà. Hein, donc, vous aussi, mettez les cacas de Rossignol. Oh, l'odeur du truc. Ah, oui, c'était assez scandaleux. Hein. Horrible. Bon, bah, allez voir la vidéo. Elle est dispo sur le Facebook, hein, facebook.com/MIKL officiel. Dans un instant, il y aura encore un plus gros mytho de Toff. Oui, un ça très, va arriver. Très gros mytho. On est déjà au deuxième, hein, depuis tout à l'heure. Donc, toutes les 30 minutes à peu près, 20-30 minutes, il balance un des plus gros mythos qu'il a balancé à une de ses copines, de passage ou pas. Hein. Donc, on retourne tout à l'heure. Il y a Nico aussi qui dit Toff, c'est trop un ouf. Denis qui dit Mickaël, Rihanna soit Diamonds soit We Found Love. Ah ouais, tiens, We Found Love, c'est pas mal ça, on va voir. Et puis un autre aussi qui est arrivé, message qui dit pour moi niveau âge, quand j'avais 14 ans, je ne sortais qu'avec des garçons de 18 20 ans, 23 parce que je faisais plus vieille. C'est sûr que ça peut paraître problématique. C'est Noémie de Lille, 18 ans. Bah merci Noémie pour le message. Lucas qui dit Toff est un personnage mythologique. Juju qui dit ça m'embêterait un peu que mon cul soit à la retraite à 20 ans avant moi, donc effectivement on est plutôt d'accord à ce niveau là. Bon, on va se faire l'ardif maintenant là du chéri je peux te faire cocu. Allons-y. Allez, c'est parti. C'était la semaine dernière. On rejouera dès demain d'ailleurs. Et j'aurai des cadeaux pour vous, hein, notamment des appareils photo numériques ou des écrans LED 40 pouces à vous offrir. Donc, si vous voulez vous inscrire pour piéger votre mec ou votre copine, bah, vous inscrivez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Écoutez, c'était lundi dernier. Toujours là, Pascal? Oui, oui, je suis toujours là. Parfait. Allô? Oui, allô? Pat? Oui. Oui, salut, c'est moi. C'est Pat. Oh, Pat. C'est toi? Oui, c'est moi, oui, ça va? Je m'attendais pas à un coup de fil, oui. Ah, bah ah mais non, mais écoute, je t'appelle pour un petit truc, en fait, voilà. Bon, il faut pas que tu sois surpris, hein. C'est juste comme ça, je voudrais d'abord ton accord. Ah bah non. Faut pas que tu sois surpris. En fait, voilà, bah j'ai rencontré quelqu'un. Ah oui. Hier soir, quand j'étais boire un verre avec ma copine Caro. Oui. Et en fait, voilà, il est super bien, super, voilà, j'aimerais bien coucher avec lui, en fait. Mais juste comme ça, rien que ça. Oui. Oui, enfin, mais juste comme ça, juste un one shot comme ça, quoi. Ah ouais. Mais ah bon, oui. Si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord, quoi. Donc c'était juste, bon, voilà, on fait, voilà, juste pour un soir, quoi, pour se marrer un coup et. Ouais, c'est pareil, ouais. Même bon, sans ton accord, je le ferai pas, quoi. Ah ouais, juste pour un soir et puis voilà, et puis tu rentres à la maison et comme si rien n'était. Bah oui. Ah oui, tu trouves ça normal? Bah, je trouve ça normal, mais enfin bon, c'est marrant, quoi, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, c'est cool, quoi. Bon, c'est un peu. Bon, une fois tous les 10 ans, quoi. Oui, une fois tous les 10 ans, quoi, voilà. Ah ouais. Comme ça. Je t'autorise à faire la même chose. Ah, est-ce qu'il est d'accord? Bah, il a l'air, je sais pas trop, on négocie là. Ah, d'accord. c'est avec vous? Oui, il est avec moi, là, on est sur une terrasse, on boit un coup. Il veut me parler? Oui, éventuellement, oui, parce que oui. Ah bah, voilà, attends. Il est à côté de moi, il peut te dire quelque chose. Allô? Allô? C'est Pat? Ouais, c'est moi. Salut. Moi, c'est Michel. Ah, salut Michel. Bah voilà, donc on s'est rencontrés là avec ta copine, Pascal, et puis elle a sympathisé, quoi. Donc alors j'avoue que c'était un peu perturbant qu'elle m'ait dit bah écoute, je vais quand même demander l'avis de mon mec. Ça arrive rarement, hein. Enfin c'est jamais arrivé. Donc bon, je trouvais ça plutôt original, quoi. Et donc bah ça a l'air d'être plutôt bien là. T'as l'air d'être, enfin d'après ce que je comprends en écoutant à moitié la conversation, t'as l'air de pas être trop fermé. Je suis d'abord un peu surpris, oui. Attends. Ah ouais, non mais t'inquiète pas, moi je compte pas faire ma vie avec elle, hein. C'est vraiment voilà, c'est pour se marrer, quoi. C'est voilà, c'est fun, quoi. C'est cool, c'est, tu vois. Ah ouais, c'est pour se marrer. Ah ouais, tu manques pas de culot, toi, dis. Ah bon, bah je comprends pas. Bah je comprends pas. Elle avait l'air. Comment tu comprends pas? Bah oui, mais enfin je l'ai rencontrée et elle m'a dit je l'appelle et tout, et bah à l'entendre ça avait l'air d'être plutôt positif. Donc là tu me dis que je manque pas de culot, je comprends pas. C'est clair que tu manques pas de culot. Bon, de toute façon je suis mis sur le fait accompli là. Bah on n'a pas encore fait, mais bah elle a dit que si tu t'es pas d'accord qu'elle le ferait pas. Bon après tu connais, c'est une femme, hein, donc ouais non c'est vrai. Elle va dire rouge à côté et puis dire à droite, enfin bon bref. Elle m'a quand même dit il y a toujours un principe, si elle va à gauche je vais à droite. C'est, j'ai rien compris. T'as compris? Non. T'as pas compris? Non, j'ai pas compris, non. Bah, si elle va à gauche, ouais. Si elle va à gauche, moi je vais à droite. Ou si elle va à droite, moi je vais à gauche. J'ai pas compris. T'as toujours pas compris? Non. Non, moi non plus j'ai pas compris. Ah bah ça me rassure. Bon, bah alors Patrick, alors moi je comprends, oui. Pas, alors est-ce que oui, est-ce que non? Ouais, je vais t'expliquer. Donc si elle fait un équerre à gauche, moi je fais un équerre à droite. J'ai pas compris. T'as toujours pas compris? Je comprends pas le gauche et le droite. Bon, je t'expliquerai une autre fois. Donc, oui ou non? Mais évite de me dire à gauche-droite, hein, je comprends rien à ce que tu m'as dit. Ouais, me non, racontes. Bon, ok, on va, ouais, ok, on va abréger. Je m'arrangerai avec ma femme ce soir. C'est oui pour l'instant, mais je vais arranger. Ah, c'est oui avec... pour l'instant? Je m'arrangerai après avec elle. Ouais, non, mais t'énerve pas. Moi, je suis content que ce soit cool, hein. Voilà. Moi, j'aime bien les relations simples. Tu vois, là, tu me dis OK. Je sais que je pourrais. Enfin, tu vois que j'ai ton consentement et tout. Je te dis, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà couché avec des filles mariées et tout, mais c'est toujours dans le dos des maris. Donc là, comme elle préférait prévenir. Franchement, moi, j'y vais relax, quoi. Tu vois. Consentement ou pas consentement. Je suis un peu coincé par l'affaire, là. Tu vois. Bah non. Non. C'est-à-dire? Bah là, c'est quasi comme si j'étais quoi. Pascal, est-ce que tu peux aller payer l'addition, s'il te plaît, je te rejoins. Ça va. J'arrive. Okay. Voilà, j'arrive. Dis-moi, alors, ce que je peux faire, si tu veux, Patrick. Dis-moi. Ce que je peux faire, si tu veux, c'est éventuellement la décevoir, comme ça, elle sera contente de retourner chez toi. Ouais, je suis pas trop emballé quand même. Non? Ah merde, non. Attends, elle revient. Ah super, merci ma chérie d'avoir payé l'addition là. Je te dois, c'est toi qui m'invite? Oui, pas de souci. Ah super, merci. C'est pas avec le compte de ton mec quand même, hein? Parce que ça me gênerait. Non, quand même pas. Ah bon, parfait. Bon, je te le repasse, hein, on s'est mis d'accord, je te le repasse. Ouais. Allô? Allô? Oui, et alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah bah il se rend bien compte de la chance qu'il a, t'inquiète pas. Il est culotté, lui. Oui, mais enfin, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Ah, il se rend compte de la chance qu'il a, hein. Il le sait, il me l'a dit. Ah, d'accord. Voilà. Bon, bah si t'es pas d'accord, tant pis, alors je vais rentrer. Ah, quoi? Comment ça, il est pas d'accord? Il m'a dit qu'il était d'accord. Allez, Pat. Allez, juste une fois. Allez, Pat. Bon. Juste une fois. Allez, je te promets, rien qu'une fois. Juste une fois. T'es d'accord, alors? À vous, quand même. Hein? Oui. Ça se fait pas, quand même. Oui, mais allez, je te voudrais ça, je te promets. Promis. Promis quoi? Bah, promis, ce que tu veux après. Ce que je veux après. Ah, oui. Ouais. Même ce soir. Même ce soir. Oui, enfin, bah, oui. Voilà, dès qu'elle rentre, hop, elle te fait ce que tu veux. C'est quand même costaud, tous les deux, hein. Ça marche? Est-ce qu'on signe? Non. Bon, est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Ouais, je me rends compte de la chance que j'ai. Ah, parfait. Oui. Non, bah, c'est très bien. Mais comment tu te rends compte de la chance que t'as? C'est parfait. C'est la première chose, mais de là à partager, non. Non, mais je partage pas. Je te fais un emprunt. Un emprunt? Voilà. Je prends, je te rends. Tu vois, je le vole pas. Oh là là là. Bon, t'es d'accord? Ouais. Oh, ça, c'est bon, ça, quand même. Voilà, c'est pas mal. Bon, Patrick, t'es sur Fun Radio, là. C'est Mickaël No Limit. Aïe, putain, mais toi, t'es un mec bien, toi. Franchement, t'es un mec cool. Ah, putain, ouais, toi, t'es un mec au top, hein. C'est-à-dire que Toff, il aurait bien voulu tomber sur des meufs avec des mecs pareils, hein. Mais bon, comme Manon, il a dit oui, Pascal, je prends mon tour, hein. Voilà, c'est ça. Bah, justement, si tu veux, tiens. Bien sûr, Pascal, combien mesures-tu? Oh, je suis pas très grande, 1m52. Parfait, combien pèses-tu? 48 kilos. On est au top. Quel est ton tour de poitrine? J'en sais rien. À peu près, à peu près. Pop. Non, je sais pas. Bah, à peu près, plutôt un bonnet C, D. Bon, ça tient dans la main ou pas? D. B, un bonnet B, ouais. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? Je sais taille enfant, en fait, hein. Je crois que c'était un 14 ans. Parfait. Patrick, je prends mon tour. Voilà, c'est ça, ouais, très bien. Bon, bah, Patrick, putain, t'es un mec cool, hein, vraiment, hein. Je tenais quand même à te le dire encore une fois. Je sais pas si t'étais surpris ou si t'étais, mais dire ok, comme ça, moi, je trouvais ça bon. Moi, je kiffe. Ah ouais, kiffe, Patrick. Écoute, j'étais un peu surpris, mais là, je m'attendais à un truc un peu bizarre, quoi. Donc, Bah ouais, mais ça va, t'es rassuré, là? Ouais, là, tu vas te faire. T'es rassuré, ça se passera entre gentlemen, quoi. T'inquiète pas. Voilà, donc c'était la rediff du chéri, je peux te faire cocu qu'on a eu l'occasion de faire la semaine dernière. On remet le couvert demain. Soyez présents sur Fun Radio à partir de 20h. Chéri, je peux te faire cocu, vous avez entendu le principe. Et demain, je mets en jeu soit les appareils photo numériques, aussi les écrans LED 40 pouces que je peux vous offrir. Donc c'est vous qui choisirez, évidemment, il n'y a aucun problème. Et Nicolas qui dit, est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Bah évidemment. Tu te rends compte de la chance que t'as? Bah bien sûr qu'ils s'en rendent compte, bien entendu. Ah bah toi aussi, mignon, là tu te rends compte de la chance que t'as. Allez, restez là dans un instant, on fait le skateboard sur Fun Radio, là dans les couloir, puisqu'on est tombé sur une vidéo que je vous ai mise aussi sur le Facebook, là, vous pouvez aller voir une vidéo de meufs qui font du surf, voilà, c'est ça, mais en talons aiguilles. Ouais. Voilà, donc on va essayer de faire nous du skate en talons aiguilles, hein. Ça va pas être gagné non plus, mais enfin on va essayer ça dans un instant. Restez bien là également, puisqu'on va vous caler dans quelques minutes le son de Major Lazer, tiens, ça peut être pas mal ça. Voilà, Major Lazer arrive dans un instant sur Fun Radio. Et puis il y a Benjamin qui avait demandé un Rihanna, mais sans demander de titre en particulier. Donc si vous voulez écouter un Rihanna en particulier, lequel vous voulez écouter, bah vous faites péter les demandes, hein. On est sur Diamonds et sur We Found Love là, sur le Twitter pour l'instant. Donc vous y allez maintenant, hashtag Mickaël, et puis vous mettez le titre de Rihanna que vous voulez écouter. On fait ça dans un instant sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Et puis on est en direct jusqu'à 23h. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. 01 42 48 5000. Mickaël. Attendez la suite. Mickaël No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Et il suffit de venir discuter avec nous, hein. Si vous voulez, n'hésitez pas, bien entendu, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous balancez vos messages, tout ça en direct, bien entendu, sur Fun Radio. 01 42 48 5000, où vous soyez en France. D'ailleurs, bon courage, hein, pour ceux qui sont encore en voiture, là. Si vous êtes en mode vacances retour ou en mode vacances, vous partez, là, bah, bon courage pour le retour. Et puis, profitez bien pour ceux qui partent. Voilà, bonne chance et bon courage. Vous nous envoyez vos messages. Si vous êtes sur les routes de France, là, en train de bouger à gauche, à droite. 01 42 48 5000. Plein de messages aussi. c'est par rapport à Rihanna. Bon, on va en parler dans un instant. Moi, je tombais sur Man Down. Alors, je sais pas si vous connaissez. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, vous nous dites si vous voulez écouter celui-là ou pas. Ou un autre, hein. Évidemment, il n'y a pas de problème. Vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter et vous demandez les titres que vous voulez, évidemment. On cherche un titre de Rihanna à passer ce soir avant 23h. Donc, je compte sur vous. Hashtag Mickaël. Et puis, vous mettez le titre que vous voulez écouter ce soir sur Fun Radio. Un morceau de Rihanna avant 23h. On va faire péter ça après Major Lazer. C'est Watch Out for This sur Fun. Bonne soirée, tout le monde. Hey, allez, bonne soirée sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, là on est jusqu'à 22h, là profitez-en bien, dans un instant on va se faire une petite... Alors c'est pas une course parce qu'on n'a pas cette prétention là, mais t'es quand même... on va appeler ça comme ça, hein, une course de skate en talons aiguilles, hein, puisqu'on a vu des filles qui faisaient du surf, elles, en talons aiguilles, donc on s'est dit qu'on allait faire pareil, comme on n'a pas d'eau et qu'on n'a pas de planche de surf, bah on a fait avec les moyens du bord, quoi. Hein. Donc voilà, ce sera oui. Dans les couloirs de Fun dans quelques instants, évidemment tout sera filmé, vous aurez tout ça bien sûr sur facebook.com/Mickaël officiel. Bon, alors je vous ai demandé aussi le son que vous voudriez écouter là. Pour le Rihanna, c'est Benjamin qui est passé en antenne tout à l'heure et qui voulait écouter un Rihanna. Donc j'ai dit ok. Et puis bah, finalement, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas décidé du titre qu'on allait mettre. Et bah du coup, j'en ai quelques-uns à proposer, là, notamment celui-là. Alors, moi personnellement, c'est celui que je préfère. Bon, maintenant après, voilà, chacun ses goûts, hein. Pas parce que moi j'aime bien qu'on te mette celui-là, mais voilà. Moi, à mon avis, c'est celui-là. À quoi qu'il y a Rémi qui dit fais-toi plaisir. Bah écoute, d'accord. Il y a Selim aussi qui dit Man Down, j'adore. Bah c'est celui-là justement, Man Down. Alors il y avait aussi Thomas qui dit petit Shut Up and Drive, pourquoi pas, c'est vrai. On proposait également Umbrella de Morgan, un bon titre, pourquoi pas, ouais, c'est celui-là, Man Down. Ah, là, là, là, là, là, là. Ah, celui-là, il est quand même au top du top, hein, je trouve. J'aime bien celui-là, bon. Ouais, moi aussi, j'aime bien, ouais. Dans la voiture avec les fenêtres ouvertes. Ouais, grave, là. Grave, t'es en mode été, tout ça, là, tout top, depuis 15 ans. Arrêtez. Bon, donc, si vous voulez choisir un titre, il y a Jérém aussi qui dit, moi, je propose Only Girl in the World ou Umbrella, deux titres vieux, mais si bon à réécouter, bah ouais, pourquoi pas, mais voilà, on n'est pas fermé. Moi, je vous avais proposé Man Down, c'est celui que je préfère. Après, pas de problème, hein. T'offres un petit topo des tweets qui sont arrivés, vous mettez le hashtag et Mickaël et le titre de Rihanna que vous voulez écouter, donc le Man Down, c'est celui que je vous ai fait écouter, et puis on verra pour les autres. Il y a Victor aussi qui dit de retour de vacances, je peux de nouveau vous écouter, hello les gars. Bah salut Victor, merci à toi d'être là. Je me suis enfin décidé, je veux un We Found Love, c'est Denis qui avait envoyé le message, très bien, c'est noté, on va voir. Nicolas qui dit est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as. Tu te rends compte de la chance que t'as, et vous de pouvoir choisir le titre de Rihanna ce soir sur Fun, là justement. Let's Be Freaks qui dit pareil, et puis Juju qui dit la phrase culte de l'été, tu te rends compte de la chance que t'as. Oh, de l'été, voire peut-être même de la saison, on la va savoir, on verra, faut que je me tâte encore. Et Siegfried qui dit jeune homme, patiente encore un peu pour avoir une copine, les études avant tout. Ha ha ha, oui, c'est vrai. Parce qu'on va récupérer Nicolas là, qui est avec nous tout à l'heure là. Nico, toujours là? Ouais. Bon, très bien. Alors Nicolas, toi tu voulais donc parler de la jeunesse, quoi. Ouais, ouais, ah, un peu, parce que j'ai un peu la honte. J'ai jamais sorti avec une fille et c'est un problème. Bah, oui, alors c'est pas grave, mec, t'as 13 ans, tu nous as dit ça tout à l'heure, c'est pas grave. Ouais, je sais. Tu sais à quel âge je sortais avec ma première meuf, moi? Non. J'avais 16, presque 17. Ah ouais? Ah, donc tu vois, oui. t'es à la cool. Hein? Et Polo, par exemple, pareil, lui, bah jamais, non, hein. Si, il a 22 ans, voilà, hein. Mais j'attends encore, moi, j'attends la bonne. J'attends pour le mariage, moi, je suis comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je n'ai jamais touché une femme de ma vie. Exactement. Et Toff, justement, qui va nous faire son mytho dans un instant, hein, vous inquiétez pas. Oui, comment? Toff, première meuf. 9 ans et demi. Non, c'est 5 ans. Ça. Ouais, j'ai dragué à la maternité, hein. J'étais à peine sorti. Il y avait une meuf dans la couveuse à mais côté. J'ai pris. Non, ouais, mais c'est 16 ans, mais sur un mytho, hein. C'est, enfin, 16 ans et demi sur un mytho. Ah, sur un mytho. Bah alors, attends deux secondes, Nicolas. C'est quoi, du coup, le mytho, alors? Bah, je voulais raconter celui-là. C'est pas celui-là que je voulais raconter maintenant, mais je vais raconter celui. Allez, c'est parti. Donc, en fait, je rappelle que depuis on parlait des mythos en début d'émission et que du coup on s'est dit mais qu'est-ce qu'on est con, on n'a pas pensé qu'on avait les plus gros mythos de la Terre dans le studio et donc du coup on l'a pas utilisé. Donc depuis toutes les demi-heures il raconte les plus gros vrais mythos qu'il a balancé à des meufs. Et donc donc là c'était un séjour linguistique, j'étais en Angleterre. Et donc pour serrer une anglaise, je lui ai fait croire que j'étais un Frenchie, tu vois, genre French lover, que j'avais plein d'expériences. C'est marqué sur ta tête que t'es pas lover. Oui, faut ça. J'étais jeune à l'époque, j'avais 16 ans et demi. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est mon premier mytho, c'est là que j'ai commencé. C'est là que tout a démarré. C'est sexuel aussi avec oui, elle. Oui, c'est ça. Mais on en parlera un autre jour, on l'a déjà entendu tellement de fois, c'est la première fois dans un bus anglais, donc. Bah oui, une autre émission. Bah en même temps, c'est la suite, hein. Ah, c'est la suite, bon, alors vas-y alors. Donc la nana, donc on va en boîte, je la tchatche, machin, etc. Et donc bon, au final, on se comprend très peu, puisque moi, je parlais absolument pas anglais à l'époque et qu'elle parlait pas du tout français. Ouais. Mais voilà, donc elle finit. Vous parliez la langue du sexe. Voilà, et elle finit par croire que donc je suis un French lover et que je vais lui faire l'amour comme jamais. Et donc effectivement, on prend donc ce fameux bus anglais, on monte à l'étage au-dessus, et donc là, elle se dit ouais, ça y est, ça va être mon quart d'heure de folie, il va me déglinguer. Ça a duré 3 secondes. Et en fait, en 3 secondes, j'avais tout lâché. Donc, la meuf, elle est descendue à l'arrêt suivant, elle était dégoûtée. À l'arrêt suivant. Ah ouais. Ça vous donne une idée du timing. Non, enfin, je veux dire, après qu'on ait fini, mais comme c'est le bus de nuit, les arrêts sont un peu plus longs, donc ça va. Ah bon, bah ça va. Ça a dû faire 5 minutes, quoi. Ah ouais, quand même, attention. Le temps qu'elle remette sa culotte, quoi. D'accord, génial, classe en plus, c'est cool. Bon, bah Nicolas, tu vois, finalement, c'est pas la peine de démarrer trop tôt non plus quand tu vois les dégueulasses rit-off là. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, mais quoi, c'est quoi? Tu t'inquiètes ou c'est les potes qui se foutent de ta gueule? Oh, c'est les potes qui se foutent de ma gueule. Et tu sais quoi? Ma main coupée, la majorité de ceux qui se foutent de ta gueule n'ont même jamais embrassé une meuf. Mais oui. Même jamais un bisou sur la joue. Mais oui. Ils sont juste en train de se la ramener en disant, ah, t'as vu, il est jamais sorti avec une meuf, il y a le gamin. Ma main coupée, ils ont rien fait non plus. Ouais. Demande-leur une preuve. Tu leur dis, ah bon, t'es déjà sorti avec quelqu'un? Bah, vas-y, fais péter la preuve, là, ou présente-moi la fille. Tu vas voir que ça, ouais, mais t'inquiète, demain. Ah ouais, mais aujourd'hui, mais demain, mais je verrai, mais je peux pas. Et au final, tu le verras jamais, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais je te promets, c'est comme ça. Hein. Sandro, toi, quel âge la première fois que t'es sorti avec un mec? Première fois, de quoi? De bisous? De... Ah, t'es sorti avec un mec? Non, parce que le bisou, ça a été. Je sortais pas avec, en fait. Ah ouais, parce que déjà, à l'époque, quand t'étais petite, c'était déjà une salope. Mais c'était il y a 2 ans. Hein. C'est vrai qu'elle a 22 ans. Ah oui, j'ai 22 ans. Non, elle a 15 ans. Ah ouais. Non, premier bisou, maternel. Non, t'es sérieuse, maternel? Ouais. Mais tout le monde a fait un bisou en maternel. Oui, voilà. Après, toujours beau. On est tout petit, non, on va dire premier mec, non, 14 ans. 14. Tu vois, Nico, toi t'as 13, t'as encore un peu de temps là. Ouais, c'est vrai. Reste tranquille, il y a des messages qui t'est arrivé, vas-y à la cool. 13 ans, t'as plus que le temps. Mais oui, c'est ça, mais joue à FIFA, Nico, là, tu t'emmerdes avec des meufs déjà à cet âge-là. Là. Bah, j'y joue à FIFA. Ouais, mais joue plus, après tu pourras plus. Ouais, c'est parce que si je peux te donner un conseil, joue plus à FIFA pour t'exercer les pouces, tu comprends? Ouais. C'est ça. Non, parce mais sérieux, parce que le problème, tu veux, c'est qu'une fois que t'auras une meuf, tu pourras plus jouer à FIFA, tu pourras plus faire des jeux en ligne avec des potes, etc. Ouais. Parce ça que, tu penses qu'à moi, tu penses qu'à ça, tu penses jamais à moi, etc. Ouais. Donc, profites-en, là, tant que t'y es, là, vas-y. Y a rien de pire qu'entretenir une meuf, hein, c'est ce qui coûte le plus cher dans la vie. Il a 13 ans, qu'est-ce qu'il raconte? Il a 13 ans, il va l'entretenir de quoi, là? Tu m'en remercieras plus tard d'avoir écouté ce conseil. Il va juste lui porter son sac, là, et encore, éventuellement, un petit Fanta, tu vois, l'arriver, mais, c'est tout, quoi. Attends, un Fanta dans le budget d'un gamin au collège, je suis désolé, mais arrête un peu, là. Bon, bah, Nico, donc, tout ça pour dire, ne t'inquiète pas. Ah, bah, non, on l'a pas demandé à Pedro, tiens, à quel âge la première fois, Pedro, là? Moi, j'avais 12 ans. Oh, genre! Si, c'est vrai. Ouais. Au Portugal? Ouais, c'était sa cousine, par contre, hein, c'est ça qu'il a oublié de préciser. Ah, oh, allez, arrête! Donc, Pedro, qui, je le rappelle, est le directeur d'antenne, hein. Donc, 12 ans, alors, hein. Ouais. Et c'est grâce à ça que t'es entré à Fun. Exactement. Que t'avais démarré tôt, tout ça. Ok, d'accord. Non, mais c'est jamais, c'est vrai. Bon, bah, Nico, tout ça pour dire, tranquille, tout va bien. Vas-y. Ouais. Et y a Clara qui dit, mais 13 ans, va jouer au foot, mec, t'inquiète pas pour les filles. Oui, tout vient en son temps, évidemment. Tout vient à point à qui c'est attendre. Ouais, voilà. Effectivement. Tu vas dire quelque chose en plus? Je voulais avoir des conseils pour draguer un peu, tu vois. Ben ouais, mais draguer, mais tu veux draguer. Y a pas à draguer. Enfin, je sais pas ce que tu veux comme conseil. Qu'est-ce que tu veux comme conseil? Parce que draguer, ça veut rien dire. Non, mais parce qu'il a 13 ans, c'est normal, ça le travaille. Il a envie de tomber amoureux, il a envie d'avoir une petite histoire d'amour, quoi. Ouais, mais ça va venir. Quand tu vois une fille qui te plaît, parce que c'est déjà arrivé, j'imagine. Ouais. Bon, ben qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais la voir et je lui demande comment elle s'appelle et... C'est bien déjà. Et voilà quoi. Ok, et voilà, et après, c'est le voilà quoi qui m'inquiète. Et après, ben, je pose des questions. Ouais, ok, mais genre quoi? Comment ça va? Qu'est-ce qu'elle fait pendant les vacances? Ouais, d'accord. Elle veut aller voir un truc. Non, bah c'est bien ça, et qu'est-ce qui fait que ça va pas plus loin? Bah, je sais pas. Ah. Tu lui demandes? Tu lui dis? Mais à chaque fois, elles veulent pas me répondre. Elles te répondent pas? Mais tu tapes pas tendu trop au level? Non, ça va. Je veux dire, est-ce que c'est les meufs les plus prisées du bahut? Pas du tout. Est-ce que t'as essayé les blagues pour draguer? Oh non, on recommence avec tes blagues pourries là, il est relou avec ses blagues. Non, non, jamais les blagues. Non, bah tant mieux, bah t'as raison. Sinon, j'avais bien autre chose, c'est quand je te vois, j'ai la troisième jambe qui palpite. Qu'est-ce qu'il est con alors. Elle est drôle celle-là. Ah, ouais, bah si, ah, bah je vois, Fiori, Fiori, tu peux taper son nom ce soir si tu veux taper. Non, mais c'est la façon qu'il raconte, enfin, ouais, c'est il est content, sa façon hein. de le sortir, et puis bon. Moi j'ai sa tronche en face aussi, tu vois. Ouais, bah oublie-la, Nicolas, cette vanne-là. Les meufs, elles te disent pas non, elles te répondent pas. Bah ouais, elles me répondent pas, je comprends pas pourquoi. Elles sont timides peut-être aussi, hein. Je sais pas. Bah essaye avec d'autres filles, peut-être que... C'est moi, je suis trop timide. Bah non, si tu poses des questions, tout ça, ça va. Bah oui. C'est juste que si effectivement t'es timide et que tu poses la question mais que tu termines pas ta question, bah elles peuvent pas répondre, quoi. Non, mais je termine mes questions, mais c'est que après, je sais pas. Bon, si vous êtes une fille là du même âge que Nicolas là, qu'on fasse un petit test là pour voir un peu comment est-ce que tu dragues, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 mademoiselle, ou alors 02 851 4x0 pour la Belgique. Tiens Nicolas, faisons un test. Imagine que Sandro a 13 ans puisque soi-disant elle est jeune, donc voilà. Et essaye de la draguer, genre tu viens là, tu vois là, tu la vois et là, alors il faut vraiment imaginer hein. T'imagines qu'elle est bonasse dans le bus. Voilà, par exemple hein. Salut, comment ça va? Mais ça va et toi? Bien. Ça te dirait d'aller boire un coup? Ouais, pourquoi pas? C'est pas bon, Mike. Pourquoi? Parce que tu peux pas commencer comme ça. Ah bah oui, mais bon. Attends, moi j'aimais bien la suite, hein. Je suis célibataire depuis 2008, je te laisse imaginer la taille de mon avant-bras. Oh. Non mais tu vas directement là-dedans, c'est pas bon. Fais-lui un petit compliment, elles adorent qu'on leur mente. Fais-lui un compliment. Elles adorent qu'on leur mente. Et tu commences tu commences toujours comme merci ça. Merci d'avouer. Tu commences toujours par Nicolas, tu commences toujours comme ça. Hé, mademoiselle. Essaye pour voir. Mademoiselle. Non, bah laisse tomber. 06. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Donc c'est bah en fait. Mais non, mais il faut une fille de son âge aussi. Parce que je crois que t'étais jeune, t'avais 15 ans. Là. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on me fait plus jeune. On me donne plus jeune. On te fait plus jeune. C'est tes parents qui auraient dû te refaire plus jeune, à mon avis, c'est pense. C'est bon, on a une fille pour toi. Ah bah parfait. Eh, sois bon, hein. Ouais, il faut que tu sois bon, là, Nicolas. Là. On va la rappeler dans quelques instants, là. Ne bouge. Je suis en drogue, hein. Oui, mais justement, on va t'aider, Nicolas, là. Si vous avez des conseils, d'ailleurs, n'oubliez pas, sur le Twitter et sur le Facebook, vous tapez Mickaël officiel. Il y a Victor qui dit, oh mec, fais pas ta voix malheureuse, t'as tellement le temps, il y en aura des milliers des meufs, t'inquiète pas. Et alors, il y a un message aussi qui est arrivé de Mrs. Zibou qui dit, quand je te vois, j'ai la troisième jambe qui palpite, tof, mort de rire, il m'a d'être ce con. Désolé. Ouais, mais c'est tellement nul en plus, c'est dingue. Quoi. Et le pire, c'est qu'il y a des gens là ce soir qui ont noté cette phrase et qui vont la ressortir. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est que du coup, tu vas ruiner la vie de certaines personnes qui sont en train d'écouter. Et ça, c'est dommage. Il y a le Messie d'Aman qui dit, il se rend pas compte de la chance qu'il a d'être célibataire. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Ouais. Bah, visiblement, il s'en rend pas bien compte, effectivement. Ouais. Il y a un message aussi Juju qui dit, mais Nicolas, tu n'as pas à avoir honte, franchement. Tu n'as pas à avoir honte, effectivement. Je crois que le message s'arrêtait là, mais en fait, pas du tout. Marvin aussi. Qui dit Sandro, je lui donne 24 ans. Ouais, mais c'est parce que tu l'as pas encore vu, ça. Il y a Rosen aussi qui dit pour le tube de Rihanna, là, je voudrais bien écouter Diamond. Gros bisous à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message Juju qui dit Nicolas, écoute, Mickaël, c'est la voix de la raison. Oui, c'est vrai. Ah oh, oui. C'est vrai, je suis. De quelle raison? Je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Je ne sais que dire de plus. Et Juju qui dit, oh, soyez sympa avec le petit Nicolas. Mais oui, bien sûr, on va essayer de l'aider. Ne t'inquiète pas. Oui. Bon, attends, on a Lucie qui est avec nous de Castres maintenant. Salut Lucie. Salut. Comment va? Elle est Mimi. Comment ça va? Eh ben Lucie, 13 ans, hein, de Castres, 81, qui est là pour Nicolas. Ça va bien, Lucie? Oui, ça va bon. Bien. Bon, alors, toi, tu voulais expliquer peut-être un petit peu à Nicolas comment ça marchait. Est-ce que t'es déjà sorti avec un mec, Lucie? J'ai failli, mais j'ai pas voulu, en fait. Bon, très bien. Pourquoi t'as pas voulu? Il était pas beau, il était con, il était gauche? Non, je sais pas. J'ai pas trop réfléchi, en fait. Hein. Bon, d'accord, ok. Moi, j'ai dit non. Comme et ça, alors, Lucie, comment pour sortir avec un mec, qu'est-ce que t'aimes bien qu'il fasse, le mec? T'aimes bien qu'il vienne te parler? T'aimes bien qu'il te charme? Voilà, t'aimes bien quoi? Qu'il soit, on va dire, humoristique. Humoristique? Enfin, qu'il ait de l'humour, quoi. Ouais, voilà. Bon, alors, Nicolas et Lucie, vous êtes dans un bus. Voilà. Le bus est là. Et Nicolas, va chercher un peu Lucie, là. Eh, hey, vous montez pas sur votre ticket, là. Serrez au fond, là, serrez, il n'y a plus de place des vins. Voilà. Alors, vas-y, Nicolas. Salut, comment ça va? Ouais, salut, ça va, et toi? Bien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Lucie. Et toi? Moi, c'est Nicolas. À quel âge? J'ai 13 ans. Pourquoi l'hélicoptère? Je sais pas, j'avais pu prendre le bus alors j'ai pris l'hélicoptère. Vas-y, enchaîne, enchaîne! Nico! Je sais pas quoi dire. Compliment, un compliment, t'as des beaux yeux! T'es belle! Tu disais que t'es très belle. Ah, merci, toi aussi. Petite vanne maintenant? Pardon, ça l'a fusé ça. Je suis sûre que ton père est des mineurs. Parce que t'es une bombe. Oh putain. Ah merci, alors... c'est super sympa. Non, non, je peux pas laisser faire ça à Lucie. T'as quand même pas trouvé ça super sympa cette vanne de merde là. Hey, Nico, tu m'étonnes que t'es tout seul, mec, tu sors pas ça. C'est drôle. Non mais c'est drôle entre nous parce que ça nous fait marrer. Mais il est tout seul avec une meuf. La meuf dit mais c'est quoi ce ringard là? Ah ouais. Sinon moi j'en avais une aussi pas mal. C'est quand j'ai maté ton boule, j'ai vu des étoiles en sortir. Oh là là. File. Prends la fusée. Va-t'en. C'est ça. Ouais, non, la fusée. C'était bien, Nico. C'était bien la ri. Elle a ri. Ouais, elle a rigolé mais peut-être en se disant, tu vois, rigoler jaune. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a peut-être de ça. Bon, Lucie, si tu veux noter Nicolas là sur 10 là, quelle note tu lui donnes là pour la drague? Je mettrais 7. 7, ah, c'est pas mal Nicolas. Tu vois que tu as tes chances là. C'est pas terrible. Hein. Sur 10, j'ai dit. Il aurait dû faire quoi, Lucie? Bah, je sais pas, enfin être humoristique mais naturellement quoi. Enfin. Ah. Voilà quoi. Qui soit naturel, je connais pas trop de blagues, mais bon, c'est pas humoristique, mais tu vois, quand je sais pas, drôle quoi, être drôle, faire deux trois vannes, voilà, pas forcément faire des blagues, on est d'accord. Mais sinon il y a celle de la chaise qui passe toujours bien. Oh, la chaise pliante, il n'y a pas de nous saouler avec sa chaise pliante là. Non, c'est bon là. Oh là là, qui est relou avec sa chaise. Bon, donc du coup, Lucie et Nicolas. Bon, Nicolas, tu sais maintenant ce qu'il faut que tu corriges. À toi de jouer. Si tu veux, je te mets avec Lucie hors antenne si vous voulez discuter un peu ensemble tous les deux. Et puis voilà. Et puis bonne chance, Nico. Et puis te prends pas la tête, ça viendra quand ça viendra. Hein. Il n'y a pas d'urgence. Ok. D'accord. Ouais. Bon, allez. Bravo. Bonne soirée tous les deux et vous restez là, on va vous filer aussi une compile Starfloor à tous les deux. Merci. Salut à vous deux, à bientôt. Et oubliez pas de prévenir vos potes également, hein, qu'on est là tous les soirs, 20h à 23h, je compte sur vous. Hein. Bisous. Okay. Bon, allez, bisous. Salut à vous deux, ciao à toi, ciao à vous, bye bye. On aura Ghost aussi dans quelques instants, là. T'es là, Ghost de Montauban? Ouais. Eh ben, on va parler de quoi dans un instant avec toi, dis-moi, là, de Montauban, là? Ben, en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'avec ma meuf, enfin, avec mon ex, on était sous la douche et tout, et quand, après avoir passé les préliminaires, en fait, quand je l'ai fourré, si tu veux. Grande classe. Ouais. Ouais, okay. Bon, voilà. Bon, ouais, et ouais. Et en fait, elle avait des gaz. Ah, deuxième grande classe. D'abord, on est pas mal ce soir, là. Bon. Je veux bien aussi parler avec le mec, là, Nicolas. Nicolas. Oui, on va pas tout mélanger, hein, Ghost, hein, parce que déjà t'avais un sujet un peu particulier, le pauvre il a 13 ans, donc je préfère séparer. Je veux bien vous filer mon vrai prénom. Écoute, d'accord, Ghost, comment tu t'appelles? Jordan, eh ben très bien, bah Jordan, bouge pas de là, on va parler avec toi dans un instant. On aura aussi des nouvelles de Marie et Olivier. Je sais pas si vous vous souvenez là, on avait eu Olivier qui s'était fait larguer par sa meuf. Il y a Marie qui lui avait donné des conseils, il s'était vu, c'est bien ça, Marie? À peu près, on va dire ça. À peu près, bah reste là, tu vas nous donner des nouvelles dans quelques instants. Tu bouges pas, Marie? Non, je bouge pas. Allez, très bien, on aura Sandra aussi dans quelques instants. On aura Yann par rapport au grippin. Voilà, pour ceux qui étaient là jeudi, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, vous allez découvrir d'ici quelques instants sur Fun Radio. Et puis le son d'Avicii qui va débarquer dans un instant. Voilà, Avicii avec Wake Me Up. Ça te branche, Marie, Wake Me Up? Pourquoi pas. Bon, on va se mettre dans un instant. Bah reste là. Alors Marie, ne bouge pas de là, on revient dans un instant. C'est Mickaël No Limit en direct sur Fun jusqu'à 23h. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000. Ouais, c'est parce que j'ai tellement envie d'écouter Man Down, hein. Alors du coup, je les ai mis, j'ai décidé de la mettre. Bon, ok, ça va, je me suis gouré, allez, jingle. 20h, 23h. Fuck, Mickaël. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, allez, on est en direct sur Fun Radio. Allez, avec tous vos messages. Ça passait bien ou pas le fait que je me sois gouré et pas gouré, non? Non, ça marchait pas bien, ouais, c'est dommage. Bon, allez, en direct dans toute la France sur Fun Radio. Et le numéro du standard, évidemment, 01 42 48 5000. Vous balancez votre message. Vous appelez Sandro au standard pour parler de ce que vous voulez jusqu'à 23h. Ou pour réagir à une nouvelle de Marie et Olivier dans un instant qui se sont rencontrés sur Fun. On aura Sandra qui voulait aussi discuter avec nous. Pas de problème. On parlera du grippin et puis de Jordan tout à l'heure là qui a eu des rapports avec sa copine et il y avait des bruits bizarres apparemment. Donc voilà, on en parlera dans quelques instants sur Fun. Et puis on va se faire aussi dans quelques instants le skateboard dans les couloirs de Fun. Skateboard en mode talon aiguille puisque c'est une vidéo qu'on a d'ailleurs placée hein, sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Donc des meufs qui faisaient du surf hein, en pleine mer évidemment en talon aiguille. Ça nous a donné des idées. On va faire ça dans un instant sur Fun Radio. Juste le temps d'écouter maintenant le son de Avicii sur Fun. C'est parti, Avicii, Wake Me Up. Bonne soirée tout le monde en direct dans toute la France. C'est Mickaël No Limits jusqu'à 23h. Feeling my way through the darkness. C'est Fun Radio à l'instant avec le son d'Avicii et c'était Wake Me Up sur Fun Radio. Alors attention, on va prendre Toff là maintenant en direct du couloir de Fun Radio. T'es là Toff? Oui, je suis là, je suis avec Polo Hawk, hein, le grand star du skateboard qui est arrivé dans nos locaux. Ouais, exactement. Alors en gros, l'histoire, si vous voulez, si vous venez de débarquer, c'est que on a vu une vidéo que j'ai d'ailleurs mise sur, si vous voulez voir des belles surfeuses, allez-y, sur le Facebook de l'émission, là, facebook.com/MIKL officiel, des surfeuses donc qui étaient en mode talon aiguille, mais sur leur planche de surf, en train de faire du surf justement. Et donc du coup, ça nous a donné une idée. Bon, on n'a pas d'eau, on n'a pas la mer et on n'a pas de planche de surf à la radio, mais du coup, on a réussi à dégoter, grâce à notre ami Yodulf, une planche de skate et des talons aiguilles. Hein, donc Polo a mis directement. Hein. Oui, bah dès qu'il a vu les talons aiguilles, il a pas pu s'empêcher de les mettre. C'est ça, hein, peut-être c'est ça, un vieux souvenir d'une expérience passée, je ne sais pas. Peut-être. Et donc là, il est prêt. Hein, donc il a un pied sur la planche, l'autre pied prêt à s'élancer. Donc quand tu veux, il y va. Parfait. Quand je veux, il va se vautrer, quoi, c'est ça? Bah il y a un peu de ça. Bon, l'avantage c'est que le couloir est pas très étroit, donc normalement il peut s'attraper. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, alors allez-y. Et puis en attendant, en direct même, vous allez pouvoir voir la première photo là de Polo en mode talon aiguille et planche de skateboard dans les couloirs de Fud là sur le Facebook. Maintenant, facebook.com/MIKL officiel. Attention, prêt pour la chute? On y va. 3, 2, 1, il est parti, il s'élance et ça y est. Oh là là là, oh, tu devrais voir. Ça y est, il est tombé. Ah bah on a rien entendu là, il est pas tombé très fort. Bah c'est vrai qu'en fait je suis pas à côté de lui parce que du coup comme il y a pas beaucoup d'espace dans le couloir, je peux pas rester à côté de lui. Ah. Mais donc il nous a fait une belle chute, un bon roulé-boulé au milieu du couloir. D'accord. Non, il était en très grande forme. Alors et donc ça y est, il repart, il se relance. Mais en fait en fait, il a un gros problème, c'est qu'il n'arrive pas à aller droit. Donc du coup, en fait, il filie dans un des poteaux du couloir. C'est assez impressionnant. Ouais, mais enfin, en même temps, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que même... Ah, ça y est, il est parti droit. Il est parti droit, il se relance et pouf. Et est-ce qu'avec les talons aiguilles, est-ce que sans talons aiguilles, tu penses qu'il y arriverait ou ce serait pareil? Bah écoute, je sais pas si ça serait pire sans les talons aiguilles, mais en tout cas avec les talons aiguilles, il a une certaine dégaine, hein, même quand il court et tout, il est très excitant. C'est, on sent le mec d'expérience avec les talons aiguilles. Oh, il a encore failli se vautrer là, un truc de dingue. Bon, est-ce qu'il va arriver à revenir devant les studios en mode talon aiguille, c'est la question. Bah, je sais pas. Écoute, attends, il va essayer là. Déjà, il se relève parce qu'il faut expliquer qu'il vient quand même de tomber à l'arrêt. Hein, donc. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin. Hein. Non, bah attends, il retourne vers le studio là. Il arrive. Attention. Ah non, il veut d'abord faire une dernière fois le couloir. Alors, il pourrait descendre parce que en fait devant le couloir. Devant le couloir de Fun, en fait, il y a trois escaliers, donc ce serait bien qu'il puisse débarrer de là et puis sauter, retomber sur la planche, quoi. Enfin, attends, il prend la planche pour essayer. Bon, il va essayer. Qu'on entende quelque chose, quoi. Qu'on entende une belle chute ou un bon rattrapage. Comment t'expliquer qu'il faut déplacer tout le matériel qu'on s'était installé et tout pour pouvoir filmer ça? Ah ouais, d'accord, ok, ouais, forcément. Non mais ça va, c'est bon. Ça y est, t'inquiète, c'est bon. Ça y est, Polo est dans le studio, voilà. Polo, encouragement. Oh, on y va, attention, il va tout droit là, ça y est, avec son... Allez, c'est la chute. C'est dangereux. Ah bon, on n'est pas à l'abri d'avoir un pied cassé là, je pense. Il est en talon sur un skateboard, quoi. Attends, il recommence là. Alors, il faut quand même que j'explique que je suis au bout de la trajectoire du skateboard. Hein. C'est-à-dire, s'il le lâche, je le prends dans la gueule. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, ça te remettra la tête en place là. Attention, c'est parti. Et hop là. Autre chute. Je sais pas si vous avez entendu le boom, mais nous, on l'a bien ressenti, en tout cas, dans les jambes là. Bon, je pense que je vois plus Polo, donc je pense qu'il reste par terre là, oh c'est terminé. Là, il fait des chutes en arrière, mais comme il est en talon, il a pas l'équilibre, du coup ça tombe sur les côtés et la cheville, elle a pris cher là. La cheville cassée là, ça y est, la cheville cassée ou pas? Non, elle est pas cassée la cheville. Bon, très bien. Bon, Polo en talon, je peux mourir. J'arrive pas à marcher. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est cassée ou pas? Non. En déception totale du public. En plus, il a le styli parce que tu sais, il a un beau petit jean sexy avec les talons. Le chapeau. Alors, au top du top là. Vous verrez les photos. Je vous en ai mis une là de Polo en mode talon aiguille là sur le Facebook. Allez voir ça maintenant et partagez là. Hein, facebook.com/mikaelofficiel. Voilà, y a pas de problème. Bon, on mettra la vidéo aussi dès demain évidemment, le temps de la faire bien sûr. Et puis on va prendre aussi Marie Olivier là. Marie, t'es là, Marie? Oui, je suis là. Bon, très bien. Marie, ça va les talons aiguilles? T'as déjà essayé de faire du skate avec les talons aiguilles? Non, ça va aller. Ah, c'est dommage, tu devrais essayer. Apparemment, c'est vachement sympa. Hein. Non, c'est cool. Je veux rester encore en vie, tu vois. Bon, Polo est encore en vie, il a essayé aussi. Hein, mais bon, après. Ouais, mais je suis pas entier, mais je suis en vie. Il est entier, c'est vrai, effectivement, ouais. Il y a le Messi de la vanne qui dit: je suis mort de rire. Écoute, tant mieux. Tu verras encore avec les vidéos, ce sera mieux. Marie, alors toi, tu nous expliques donc, toi, tu t'es fait. Donc, c'est Olivier qui avait appelé Fun. Il s'était fait larguer en direct. Du coup, toi, t'avais appelé Marie derrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, on t'avait mis en relation avec Olivier? Ouais, puis on s'était parlé, on s'était appelé, machin, bref, on s'est envoyé des messages tous les jours, et puis depuis une semaine, plus rien. Ah bon? Et plus rien, je l'ai appelé comme ça, je lui envoie des messages, et puis plus rien, il devait descendre cette semaine, et puis au final, rien du tout. Ah merde. Donc, moi je pensais qu'on allait avoir, tu sais, une bonne nouvelle quoi, tu sais, c'est génial, on va se marier. Non mais on va dire que s'il donne pas de nouvelles, c'est un gros con ce type, hein. Il n'y a pas de problème, ça je peux vous le dire. Hein. Ah là pour le coup, c'est con qu'il donne pas de nouvelles, mais note, il a peut-être eu un accident, il est peut-être malade, il y a peut-être un problème, non? Non, l'accident c'est moi qui l'ai eu, c'est pas lui. Non. Je suis en vie. Qu'est-ce que t'as eu? Un accident de voiture. Oh merde. Ça va. Je suis en vie quand même. Bon tant mieux, écoute, c'est bien. Mais c'est bizarre qu'il donne pas de nouvelles. Olivier, si tu nous entends là, donne des nouvelles. Dis-nous au moins ce qui se passe. S'il est mort, il va avoir du mal, mais bon. S'il est mort, c'est sûr. mais tu rigoles, mais c'est vrai. Sinon, que pour on a le mis coup, son numéro hein, dans le standard si vous voulez l'appeler. Ah bah oui, attends, on va l'appeler en direct. Bah oui, attends, suis-je bête? Bien sûr, on va l'appeler en direct là. On va prendre des nouvelles maintenant, attends. Et là, on va tomber sur le répondeur. Bonjour, ce correspondant est décédé. Oh merde. T'imagines le truc? Bon, on y va. Il a peut-être pas décroché là, t'as, mais. Attends, je vais lui faire une enfume si jamais il écoute pas, s'il décroche pas. Attends, reste là, hein, bouge pas, parle pas à Marie. Hein. Ouais, espérons qu'il ait un répondeur. Hein. Ah. Messagerie Orange, bonjour. Ah, bonjour Orange. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Salut Olivier, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Écoute, je t'appelais pour le cadeau là, pour le jeu qu'on est en train de faire. Du coup, on te rappelle dans 5 minutes. Voilà, on te laisse encore une chance de décrocher. On te rappelle dans 5 minutes, Olivier. À tout de suite. Hop là, il va croire qu'il y a un cadeau à la clé. Et dans 5 minutes, normalement, il devrait décrocher. En tout cas, j'espère. Bon, du coup, Marie, on te reprend dans 5 minutes. Hein. Ok, y a pas de souci. Bon, à tout de suite. En espérant qu'il écoute pas, parce que sinon, évidemment, on l'a dans le cul. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Sandra. Oui. C'est sérieux ça, Sandra, là, qui est avec nous 20 ans de talange? Oui. Donc t'as pas la radio, alors du coup t'appelles le standard, quoi? Voilà. Encore un. C'est-à-dire que la semaine dernière, on avait aussi un mec qui avait plus de radio et il était dans le standard. Il on est comme ça, Fun. Mais tu vois, on sait pas quoi offrir aux gens, mais j'ai envie de dire, offrons-leur des radios. Voilà, on peut leur offrir des radios, effectivement. Mais comment c'est que t'as pas de radio, Sandra? Comment c'est que t'as pas la radio? C'est Guillaume, en fait. Je sais pas si vous l'avez. C'est un ami à moi qui a appelé en fait pour que je passe en fait. D'accord. Mais donc t'as la radio ou t'as pas la radio? Lui, je l'ai, mais je l'écoutais pas là en fait. Ah oui, donc bah très bien, bah, comme ça au moins tu peux écouter, c'est très bien, Sandra là. Bah continue, on te reprendra dans quelques instants là, Sandra là, bouge pas de là. Retour avec Ghost là maintenant, alias Jordan. On va corriger dans le standard comme ça on saura. Jordan ouais. du 82, donc qui nous avait expliqué que sa femme, quand ils font l'amour, en fait, fait des bruits un peu particuliers puisque c'est une sorte de gaz, ce qu'on appelle des pets vaginaux. Mon ex. Ton ex, pardon, ouais. Ouais. C'est ce qu'on appelle des pets vaginaux, c'est ça? Non, mais c'est pas vraiment vaginaux, en fait. Le truc, c'est que, enfin, carrément, les gaz, c'est, enfin, elles pétaient, quoi, si tu veux. C'est elle t'a pété le cul, en fait. Ah, d'accord, elle faisait des pets tout court, en fait. Ouais. Ah oui! Ah, c'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant, même, ça doit pas être drôle sur le moment même, mais Pourtant, pas par le cul ni rien, mais, enfin, si, par le cul, mais je la prenais pas par Non, on a compris, en parlant des détails. Ouais, t'inquiète, on était en train de la fourrer. On avait tout compris, Jordan, t'inquiète pas. Ouais. Donc, du coup, mais c'est pour ça que tu l'as quitté? Bah ouais, enfin en même temps j'étais dans un camping et tout, on était sous la douche et voilà quoi. Ouais d'accord, fallait aller vite et en quoi. Plus, c'était plus chaud parce qu'il y en avait qui nous regardaient au par-dessus et tout. Ah ouais, mais tu l'as fait la réflexion quand même que ça te gênait. Ben non, parce que enfin voilà, je savais pas comment lui dire. Mais dites-lui, mais putain, mais du coup là maintenant, enfin tu vois, il y a des trucs, il y a un moment faut y aller. Bon, c'est pas ça hein, je veux dire, je faisais les mêmes conneries à l'époque hein, c'est pas le problème, ouais. Mais je veux dire quand vous avez un souci, dites-le au lieu de fermer votre gueule, ouais. de rien dire, de je savais pas comment lui dire, elle va mal le prendre, bah dites-lui point. Ouais, mais j'avais besoin de tes conseils pour plus que ça se parce que là, je compte avoir un autre rapport et j'ai peur que ça se reproduise, quoi. Mais tu veux avec la même fille? Non, avec une autre. Bah non, mais comment tu veux que ça se reproduise? Elle pète pas toutes, hein. Non, mais c'est juste que la meuf, elle était au camping, elle avait bouffé un truc dégueu et c'est tout, hein. Mais c'est peut-être ça aussi, ouais. Mais attends, t'étais sous la douche et tu faisais quoi, en fait? Bah, je la bouillais. Non, mais... Mais Polo, tu tends le bâton là. N'importe quoi. C'est le bambou. Non mais écoute. C'est le mot le plus classe que tu pouvais trouver. Eh hey, Jordan, il y a même pas, de conseils à avoir. T'y vas, t'auras une relation avec une autre meuf et puis voilà. C'est pas parce qu'il y a une fille qui par exemple est mauvaise que toutes seront mauvaises. C'est pas parce qu'il y en a une qui effectivement comme ton ex avait des problèmes de paix que d'office toutes les autres auront le même problème de paix. Donc vas-y, prends pas la tête avec ça. C'est idiot, Jordan. Ouais, je sais pas. Bah non, mais t'es déjà tombé taf sur des meufs qui faisaient des bruits? Bah vas-y, bah, ouais, ça m'aide. Je suis tombé sur plusieurs meufs qui sentaient de la touche et voilà quoi. Oui, mais ça c'est pareil. En fait, il y a un truc, c'est pareil pour les mecs, l'odeur et le goût varient vachement de ton alimentation. En fonction de ce que tu manges, ouais. Ouais. Non, et puis non, même, tu sais qu'il y a des moments, il y a des odeurs aussi, c'est simplement, c'est con, hein. C'est ouais, dû par exemple, à l'hygiène. En fait, hein. Jordan. Non, ouais. Tu parce que tu nous appelles pour demander des conseils, mais en même temps quand on parle, tu parles en même temps que nous, donc je ne pense pas que tu entends quelque chose. Okay. Non, mais c'est pas grave. Mais donc tu disais simplement que ça peut simplement venir de l'hygiène. Mmh. Hein. T'as des filles, t'as des mecs qui sont dégueulasses et tout, hein, qui se lavent pas, ou qui se lavent une fois de temps en temps, et du coup, bah il y a un moment, les odeurs elles sont là. Hein, ça, il y a pas de miracle. Hein. Tu sers des crados, quoi. Ouais. Ah, oui, mais c'est vrai. Donc après, il faut tomber sur une meuf qui a de l'hygiène, quoi. Ouais, mais en fait, tout à l'heure, comme t'étais en train de me dire, quand ils mangent des trucs, ils sentent le truc. C'est par exemple, si la meuf, elle a bouffé chez McDo, elle sent de la tâche. Non, c'est pas McDo. Mais par exemple, un truc véridique, ça c'est vrai pour le coup, c'est quand je prends un petit déj, quand je prends des smacks, et que je vais pisser après, ça sent les smacks. Je vous jure, ça sent pareil. Non, mais faites l'expérience. Prenez des smacks. Prenez des smacks avec du lait, vous mettez le tout, machin, vous prenez ça le matin, et je vous jure qu'après-midi, ça sent les smacks quand vous allez pisser. Non, mais... là aussi. Hey, Jordan, ça, je sais pas, mais... Jordan, Toff a une question à te poser. Il ose pas, vas-y, Toff. Une question. Ah oui, comme, quand t'étais avec la meuf, alors, donc quand elle a eu les pets, vous faisiez quoi? Ben, l'amour, quoi, je sais pas. Il sait être poli, monsieur. Bravo, Jordan, bravo. C'est-à-dire qu'à l'heure où il peut dire des trucs dégueulasses, il le dit pas, mais avant, il le dit, hein. C'est ça qui est bien avec Jordan. Non, ouais, mais je sais pas, on a le droit de tout dire ou quoi? Ah bah, maintenant, oui, tout à l'heure, on est, mais voilà, 22h30, on peut, Jordan. Mais bon, c'est pas grave, on s'arrangera, t'inquiète, Jordan. C'est pas un souci. Bon, Jordan, donc du coup, ton problème, toi, c'est simplement que t'es en stress de recoucher avec une autre fille, quoi, c'est ça? Ouais, c'est un peu chelou, ouais. Bon, bah, les filles, si jamais ça vous est déjà arrivé, là, n'hésitez pas, 01 42 48 5000, vous bougez pas. Enfin, tu bouges pas, Jordan. 02 851 4x0 pour la Belgique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les filles, justement, d'avoir des problèmes au niveau des odeurs, des bruits? Peut-être que vous avez, ce genre de soucis. On en parle ce soir jusqu'à 23h sur Fun Radio. On va récupérer Yann aussi par rapport au grippin. Alors, le grippin, pour ceux qui étaient pas là, c'était jeudi, on avait passé ça. C'était un son qu'on avait pris sur BFM Télé. Nous avons remarqué sur les trois dernières années une tendance à la hausse. Nous avons eu 1300 appels pour des choses très étranges. Ça va de gens se masturbant avec des jouets qui restent coincés, et ça c'est la chose la plus courante, à des gens qui ont une partie de leur anatomie coincée avec des objets plutôt gênants. Nous avons eu un pénis dans un grille-pain, un autre dans un aspirateur. Voilà, et donc on en avait parlé jeudi en fin d'émission, on n'avait pas eu le temps de terminer, donc bah, y avait plein de messages qui étaient arrivés. Ouais, moi j'ai déjà eu plein de trucs, moi je suis ambulancier, je suis pompier, j'ai déjà vu plein de trucs, donc on va en parler ce soir sur Fun Radio, donc 01 42 48 5000, et puis bah, on a fait une bonne centaine de likes là. Je vous avais proposé le son de Rihanna avec Man Down. Je vous avais demandé d'ailleurs le son de Rihanna que vous vouliez écouter ce soir. Et donc bah il y a eu des propositions à gauche, à droite, et visiblement Man Down. Bah vous avez voulu me faire plaisir, bah c'est gentil. J'espère que ça vous fera plaisir aussi. Alors imaginez si vous êtes sur la route maintenant, mode pépère sur l'autoroute par exemple, ou sur une route il fait bon, donc les vitres baissées, cabrio si vous en avez une, c'est le top. Et là vous entendez ça. Alors on est au top. Hein. Ah, on est au top du top du top du top. Alors écoutez ça, c'est juste une tuerie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Man Down de Rihanna. Pour les autres, bah savourez. Et puis on revient juste après sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 23h. Allez, profitez, bonnes vacances. Qu'est-ce qui fait plaisir, par où il passe là? Et puis visiblement des messages qui arrivent sur Twitter et sur Facebook, vous êtes plutôt d'accord. Alors il y en a qui connaissaient pas, d'autres qui connaissent, bah très bien, voilà le son de Rihanna à l'instant que je vous ai fait peut-être découvrir ou réécouter. En tout cas c'était Man Down. Guillaume qui dit je vous kiffe toute l'équipe, bah merci Guillaume pour le message. Et puis Clara, Nicolas aussi, Chris qui sont plutôt d'accord avec le son de Man Down qui vient de passer. Let's Be Freaks aussi, The Miss of 67 pareil, Lily aussi qui dit super chanson qui donne envie de bouger son corps et même de faire l'amour également. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle un soir, tiens, des chansons que vous préférez, sur lesquelles vous préférez faire l'amour. Il y a un message aussi qui est arrivé d'Arnaud qui dit c'est comme les asperges, quand tu pisses ça sent l'asperge. Bah paraît-il, ouais, mais pour les smacks, cela dit, c'est vraiment vrai, hein, vraiment. Il y a Marion aussi qui a envoyé un message. Merci à toute l'équipe de nous faire rire autant. Nous sommes sur la route des vacances, déjà 5h, il en reste 10. Vamos Portugal. Eh bah écoute, bah bon courage, hein, il est en route, hein, justement. Note, ça dépend d'où tu pars. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Si vous lisez le message en direct, je voulais dire à mon chéri Julien que je l'aime. Il est assis à côté de moi. Mais saute-lui dessus, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu te fais chier à envoyer un message alors que t'as ton mec à côté de toi là? Bah, peut-être qu'il fait des bruits bizarres comme l'autre. Ah, peut-être qu'il fait des bruits bizarres, effectivement. Ça, on n'est pas à l'abri que ce soit le cas, c'est vrai. Bon, il y a Yann qui est avec nous là maintenant. Yann, moi aussi, il est celui-là. Il est là, Yann, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Parfait. Yann, donc, qui nous avait appelé parce que il voulait réagir à bah ce petit son qu'on avait chopé sur BFM Télé. C'était jeudi, on en avait parlé d'ailleurs vite fait. Et bah ça donne ça. Nous avons remarqué sur les trois dernières années une tendance à la hausse. Nous avons eu 1300 appels pour des choses très étranges. Ça va de gens se masturbant avec des jouets qui restent coincés, et ça c'est la chose la plus courante, voilà, à des gens qui ont une partie de leur anatomie coincée avec des objets plutôt gênants. Nous avons eu un pénis dans un grille-pain, un autre dans un aspirateur. Et voilà, donc un truc dans un aspirateur. Donc c'est vraiment passé sur BFM Télé, on n'a rien inventé, hein. Et donc toi tu voulais réagir, Yann, alors qu'est-ce qui t'est arrivé toi? T'es témoin de trucs, t'as aussi mis des... T'habites dans un truc pas prévu pour Et ouais, j'ai mis ma bite dans un endroit pas prévu pour, ouais. Ah alors vas-y, c'était quoi l'endroit pas prévu pour? Réservoir d'essence de voiture. Dans un quoi? Un réservoir d'essence de voiture. Mais toi t'es un psychopathe. Pourquoi t'as fait ça? C'est sec dans une soirée, et un pari avec un pote, et j'ai mis la bite dedans. Ah, ça vous fait rire ça, hein? Quoi? Parce que... Attends, il y a un message des, mignons, Yann, pour toi là. Débile. Voilà. Je pense que. Est-ce qu'on peut pas faire mieux là? Non mais dans un réservoir d'une voiture, l'essence d'une voiture, c'est un truc de ouf! Ouais, et je me suis rendu compte le lendemain, oui. Et t'as kiffé? Ouais, je sais pas. C'est non, c'est là, la voiture, elle a kiffé. Hein. D'après, elle voulait plus le lâcher. C'est énorme. C'est improbable. Ouais, ça y est, c'est arrivé. Mais du coup, t'as honte là maintenant quand même, rassure-moi. Ah, ça gêne, ça oui. Ah ouais, d'accord, ok. Et depuis, parce que dans le réservoir d'une voiture, ça doit piquer quand même, tu vois, avec les relents d'essence et tout, non? De quoi? Avec les relents d'essence, ça doit être un peu, non? Non, non, rien du tout, non. Ah, rien du tout. Bah, non. Écoute. Non, c'est juste quand tu démarres qu'après c'est plus gênant. Mais ouais, bon, c'était de la sans-plomb, donc ça va, hein. Ah bah oui, bah c'est ça, comme ça c'était très bien. Ah ouais, donc bah écoute, très bien. Mais merci pour la petite anecdote, Yann. Je peux pas faire une petite dédicace là. Allez, vas-y, vas-y, à une personne, attention, choisis la bonne. À tous les joueurs de la B15 et à Dylan Pesé et à Guillaume Daroux. Ouais, bon, heureusement que j'avais dit une seule personne, Yann, hein. Hein, une personne. Bon, elle mit un groupe. Bon. Ouais, ouais, c'est bien le groupe, ouais. Ah bah de toute façon, le message est passé maintenant. Moi, bon, ça roule. Allez, salut à toi, Yann, et passe une bonne soirée à l'écoute de Fun. Ouais, et oublie pas de prévenir tes potes qu'on est là de 20h à 23h hein, pendant tout l'été. Oh, okay. Enfin, c'est la dernière semaine, quoi. Salut Yann, ciao à toi, à bientôt. Au revoir. Allez, bye bye. Bon, on va prendre Sarah qui est avec nous maintenant, la 22 ans d'Angers. Salut Sarah. Salut. Comment ça va? Salut. Bien et toi? Bah tranquille. Ouh. Anaïs qui dit dans un réservoir d'essence de voiture, mais il est dingue ce mec. Oui, je suis ouf. Oui, c'est particulier, effectivement. Oui. De quoi celui-là? Non, c'est d'une fille. D'accord, ok. Ah, bah Sarah. Sarah, combien mesures-tu? Ah, c'est pas sûr que c'était pour ça qu'elle appelait, mais. Non, je dirais pas. Allez, ah, Sarah, non. Pas entre nous. On est entre nous. On est des amis? Non. On s'aime. Mais c'est pour savoir, tu vois, à qui on parle? Bah, on parle à Sarah. Bah oui, mais... Voilà. Bah voilà. T'as raison, Sarah, là, te laisse pas emmerder. Bon, Sarah, tu nous appelles pourquoi, toi? Bah, comme ça. Comme ça, bah, très bien, écoute, sur la bienvenue, mais quoi, tu te faisais chier chez toi, c'est ça? Un peu, ouais. Alors, tu te dis, bah, je vais appeler ces cons, là, qui, on va se faire chier entre cons, comme ça, tiens. Hein, ça va être bien. Moi c'est Mickaël, Sarah, et puis après il y a Toff, là, puis après il y a Polo, il y a Sandro au standard, et puis, on est là, on est à la cool, Sarah, tranquille, là. Tranquille, tranquille. Bon, et tu fais quoi, toi? T'as fait quoi aujourd'hui, Sarah? Bah, j'ai... T'as quoi? J'étais en bateau. T'as été en bateau? Oh, bah, ça va, la vie est plutôt pas mal. T'es en vacances, là? Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, tranquille. Tiens, bah, puisque t'es là, Sarah, puisque t'as appelé parce que tu te faisais chier, bah, très bien. Il y a, notre ami Ghost qui est là, alias Jordan, là, qui est sorti avec une meuf, qui, pendant qu'ils couchaient ensemble, avait des, faisait des bruits particuliers au niveau du pet. Ça t'est déjà arrivé de faire des bruits particuliers quand tu faisais l'amour, Sarah? Non. Jamais. Donc non. Tu vois, Jordan, c'est bien la preuve que toutes les meufs ne sont pas comme ça. Donc la prochaine fille, ne t'inquiète pas, parce que là il est en panique parce qu'il a un rencard avec une autre meuf et il a peur que ce soit pareil. Non, mais c'est moi je te dis. D'accord. C'est juste que la meuf, elle a dû bouffer un truc dégueulasse et puis voilà, c'est probablement. Tout. Et le coup des smacks, parce qu'il y en a qui me croient pas, c'est vrai, hein. C'est véridique. Non, mais sérieux, hein. Non, mais on va tester, on va aller en acheter demain, on va tester. Ah bah, si tu veux. Non, mais t'as vraiment l'odeur des smacks après quand tu vas pisser, je jure. De quoi, Jordan? Elle a dû bouffer de la harissa. Ouais, bah, peut-être, ouais, bah, va savoir. Non, mais c'est possible, hein. C'est possible, c'est vraiment possible. Bon, bah écoute, Jordan, bah, tu nous tiens au courant, de toute façon, hein, dès que t'as le rencard avec ton autre fille, d'accord? Je peux avoir une compile. Oui, bah tu vas gérer ça avec Sandro, je te la passe, on va te filer une compile Starfloor, sans problème. Et je peux passer une dédicace? Allez, vas-y, à une seule personne, hein. Au Portos. Très bien, et ben voilà, le message est passé, on embrasse tous les Portos alors, il n'y a pas de problème. Et merci à toi, cela dit au passage, hein, Jordan. Hein? Ben je dis merci à toi pour la dédicace. Ouais. Voilà, écoute, passe une bonne soirée, Jordan, et tiens-nous au courant surtout, hein, je compte sur toi. Hein. D'accord. Salut, salut, Jordan, et puis on va récupérer... Bah Sarah, tu restes avec nous tant que t'es là, hein. Ouais. Bon, de toute façon, on a rien d'autre à faire. Bah, c'est ça. On va récupérer Marie. On va encore essayer de rappeler Olivier dans un instant. Donc, Marie, qui avait rencontré Olivier par le biais de Fun, ils s'étaient appelés, ils avaient discuté, etc., etc. Et depuis une semaine, plus rien. On avait essayé de l'appeler là tout de suite en direct. C'était le répondeur. Je lui ai laissé un message. On va essayer de le rappeler dans un instant, Marie. Ok. Bon bah reste avec nous et puis bah y a Sandra aussi hein, dans un instant là qui est là aussi hein, qui écoute la radio par le biais du standard. Bah oui parce qu'elle a pas de radio sous la main donc tranquille. On est cool. Bah ouais on est cool à Fun ici. On se prend pas la tête. Y a pas de problème. Dans un instant sur Fun allez restez là. I need your love. Calvin Harris qu'on va s'écouter sur Fun Radio. Y a Party Fun qui va débarquer aussi dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. 20h-23h, Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio là. Allez hop, vous balancez évidemment tous vos messages là. Qu'est-ce qui se passe là? Vous balancez donc tous vos messages maintenant en direct sur Fun Radio là. C'est parti avec bah, le 01 42 48 5000. C'est le numéro du standard. Vous appelez d'où que vous soyez en France évidemment. Surtout n'hésitez pas. Et puis c'est 3-1 là pour Marseille ce soir face à Guingamp là. Comme ça, vous êtes au courant. Ça se termine dans 5 minutes là pour ceux qui n'ont pas la télé, qui sont peut-être déjà sur la route et qui ne peuvent pas suivre le match. Comme ça, au moins, vous avez toutes toutes les infos. Dans un instant, ce sera Party Fun sur Fun Radio. Party Fun, évidemment, avec Econ aux commandes. Il y aura Adrien, bien évidemment, jusqu'à 6h du mat. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs d'ici quelques instants sur Fun Radio. Retour aussi avec les plus gros mythos de Toff. Là, on est un petit peu en retard. Il lui en manque deux, là. Ah, je dois en raconter deux, là. Ah, bah là, il faut en raconter deux, puisque t'en as loupé un il y a un quart d'heure. Donc, on va le refaire dans un instant. Alors. Ouais, bah vas-y. Et puis, on s'écoute le son de Calvin Harris maintenant sur Fun Radio. C'est parti. Calvin Harris, I need your love. Bonne soirée avec Fun. On est là jusqu'à 23h. Allez, profitez bien et bonnes vacances. I need your love. I need your time. C'est Fun Radio avec Calvin Harris à l'instant. Et puis je vous le disais, Party Fun qui va débarquer dans moins de 10 minutes maintenant sur Fun Radio. Allez, bonne soirée tout le monde. Et avec un message de Wendy là sur Twitter qui vient d'arriver. Désolé du retard, Mickaël, je reviens du ciné car j'ai l'impression d'avoir loupé une bonne émission. Ouais. Comme t'as l'habitude d'en faire. Oui, on s'est pas mal marré ce soir, effectivement, faut le dire, c'est vrai. Lily qui dit aussi, moi je te crois pour les smacks, c'est un truc de fou, j'adore. Ah bah ok Lily, hein, si t'aimes bien, tant mieux. Let's Be Freaks qui me confirme pour les smacks. Loïc aussi qui me confirme ça. Et donc en gros, l'idée c'était, j'avais dit que effectivement quand on mangeait des smacks, ça m'est déjà arrivé hein, pour le coup, quand tu bouffes des smacks avec du lait ou sans, je sais pas, en tout cas moi je le fais avec, du coup quand tu vas pisser dans le courant de la journée, ben en fait t'as l'odeur de smacks dedans, c'est assez particulier, donc voilà, comme ça vous savez, si vous voulez tester, faire le test chez vous, vous pouvez y aller. Il y a Anto aussi qui dit trop cool, je vous écoute tous les soirs, merci Anto, merci beaucoup. JFN aussi qui dit je rigole tous les soirs en rentrant du boulot, continuez comme ça, merci à toi. Et puis Sylvain qui dit Fun Radio c'est de la bombe, j'aimerais avoir un iPod. Mais oui. évidemment, on t'envoie tout de suite. Eh ben, il y en a plein, hein, qui aime bien. Nicolas aussi, qui dit je, et quand les gens mettent des tongs, je trouve ça juste horrible. Surtout quand les pieds sont dégueulasses. Ah ouais, parce qu'après, il y en a qui ont l'art d'avoir des pieds moches, tu vois, moches, avec, genre avec pas bien coupé. Ouais, non mais c'est ça. Non, avec les ongles pas bien coupés, avec des traces noires, c'est en dessous des ongles et tout, c'est des trucs non, bien dégueulasses. Et alors il y a Samuel qui dit je vous écoute souvent, vous déchirez. Bonsoir à toute l'équipe, continuez comme ça. Merci beaucoup pour tous vos messages en tout cas. Et alors bonne nouvelle également puisque je vous en avais déjà parlé, mais il y a Belgique-France qui aura lieu en termes de football. Ce sera mercredi soir au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Et donc j'ai des places aussi à vous offrir pour aller voir Belgique-France. On fera le tirage au sort d'ailleurs mardi soir. Donc si vous voulez vous inscrire, rendez-vous sur le Facebook. On fera un tirage au sort parmi les likers par SMS aussi évidemment. Donc si vous voulez tenter votre chance dès maintenant, vous pouvez y aller hein, facebook.com/mikl officiel. Voilà. Et donc Belgique France, ce seront des places à gagner. Donc je vous souhaite évidemment bonne chance. Retour donc avec Marie toujours là? Oui, toujours. Bon, Marie qui nous avait appelé parce qu'elle avait rencontré Olivier sur l'antenne de Fun il y a une ou deux semaines, je crois, un truc comme ça. Ouais, deux semaines à peu près. Deux semaines, voilà. Et donc, ça se passait bien entre vous deux, vous vous écriviez, etc., etc. Et puis depuis une semaine, no news. Terminé, il devait venir te voir et plus aucune nouvelle. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, et donc du coup, on a essayé de l'appeler en direct, c'était le répondeur. J'ai rappelé en disant qu'il avait peut-être gagné un truc, c'était Fun, machin, qu'il fallait qu'il décroche. Et donc, on va voir maintenant, on va appeler. Bon, allez-y. Allez. Bon, à mon avis, je crois qu'on va se manger le répondeur. À mon avis, soit il écoute et il aura pas les coups, les corones, comme on dit. On ouais, il a pas les couilles, hein. Bah, c'est possible, ouais. Bah, vas-y, Olivier, réponds, après, on s'en fout. Ouais, c'est juste pour dire que t'en as rien à foutre. Non, mais voilà. Après, il y a peut-être une bonne raison, je sais pas. On a qu'à lui faire des blagues. Super. On le gardera pour demain, sinon. Il y a bien un moment où on va décrocher, Olivier. Sauf s'il est mort, ça c'est possible aussi. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est possible, il donne plus de nouvelles. Oui. Ouais, enfin, moi je fais ça et puis je reviens. Messagerie à... orange, bon. Voilà, donc c'est nouveau le répondeur. Bon, ben Marie, écoute, on essaiera demain, nous on t'inquiète pas, on va pas lâcher l'affaire. Hein. Ouais, ou au pire, je suis toujours à la recherche, hein, donc. C'est vrai, mais alors attends demain pour faire ton annonce, du coup. Hein. Ah, parce que sinon, moi okay, je suis toujours disponible aussi. Hein. Je me doute, mais t'inquiète pas. Bon, Marie, on te rappelle demain, d'accord? Ok, pas de soucis. Allez, salut Marie. Et salut, bon, bah, Toff, t'es en retard là, dis donc, hein. Bah, la faute à qui? Bah, la faute à toi, t'étais pas là quand on truc tout à l'heure là. Mauvais. Alors, je rappelle que depuis le début de l'émission, on parlait des pires mythos que vous avez eu l'occasion de faire à votre copain, votre copine. Et évidemment, Toff est quand même le roi dans ce domaine là. Et donc, depuis tout à l'heure, toutes les demi-heures à peu près, il raconte un des plus gros mythos qu'il a eu l'occasion de faire dans sa carrière. Ouais, alors là, je vais faire donc, de mytho. Ouais. Donc là, je vais faire le mytho du mytho. C'est-à-dire qu'en fait, j'explique, donc je devais sortir avec une meuf, et donc je baratine, je sais plus quoi, mais comme quoi je peux pas, parce que j'ai un truc genre pour la radio, je travaille, enfin je peux pas. Ouais, donc à mytho quoi. À mytho, oui, mais ça c'est un petit mytho, ça on s'en fout. D'accord. Sauf qu'en fait, j'étais avec une autre meuf qui me dit, oh, viens, on sort, machin, etc. Je lui dis, ouais, ok, viens. Et donc, on va dans une boîte. Ouais. Et en fait, sauf que dans cette boîte-là, tu sais, il y a les mecs genre Sunlight et tous ces trucs-là qui font des photos. Ouais. Et. Pas de chance pour moi, le mec qui a pris la photo me reconnaît. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Oh, des taffes de fun. Enfin, non, bon, bref. Non, ça on s'en fout. Non, non, puisqu'il me dirait, il me dit juste vite fait un truc, mais enfin rien de particulier dans la soirée. D'accord. Sauf que ce mec se dit, oh bah je vais lui faire plaisir et tout, je vais le taguer sur la photo. Ah oui, forcément, c'est con, le mec me tag sur la photo. En plus, je suis avec donc une autre meuf. Voilà, et puis il faut savoir que sur le Facebook de Fun, il n'y a que des gonzesses. Le Facebook de Tof, pardon, il n'y a que des meufs. Exactement. Parce qu'il n'accepte que ça. Voilà, bah c'est. Et des DJ et des gens avec qui on bosse, mais sinon, voilà. Sinon, c'est tout. Ouais, voilà. Mais pas de mec que je connais pas, quoi. Voilà. Et donc, forcément, bah, la meuf avec qui je devais sortir ce soir-là. Bah elle me fait ouais putain tu m'as menti machin. Je dis non mais en fait le mec il s'est c'est trompé. Le travail. Non je lui dis le mec s'est trompé, c'était pas la bonne soirée machin, donc en fait c'était pas ce jour-là, c'était la veille mais il s'est trompé dans les dates, enfin voilà. Donc là il commence à tout doucement se perdre dans le mytho là. Voilà, ouais. C'est ça, donc je commence à essayer de l'enfumer, puis en fait la meuf qu'est-ce qu'elle fait, c'est que la meuf avec qui je devais aller contacte la meuf avec qui je suis sorti ce soir-là. Elle lui dit ouais alors machin, c'était quelle soirée, donc forcément elle lui donne la bonne date. Bonne évidemment, ouais. Et donc j'ai ramé, j'ai dû sortir tout ce que j'avais et pour au final lui dire non mais en fait j'étais obligé d'aller avec elle parce que voilà je m'étais engagé parce qu'elle est malade, tu comprends, elle va décéder en 3 jours non, et que donc, c'était pour lui faire un cadeau non mais pas loin j'ai dû lui dire que c'est parce qu'elle partait à l'étranger et donc que j'avais pas osé lui dire parce que je pensais qu'elle allait me prendre la tête et machin et donc c'est passé. Mais toi t'as vraiment un cul hein, c'est quand même assez improbable là-dessus. Ouais je pense. Ah ouais non mais là c'est limite scandaleux quand même. Ouais, scandaleux. Bon, des messages qui sont arrivés aussi là, notamment par rapport y a Raphaël qui est avec nous, la Mélan d'Auxerre. Bonsoir Raphaël, t'appelles pourquoi? Salut. Salut. Moi, en fait j'ai fait un pari et j'ai perdu et je devais biffler un cactus en fait. Ah non. Tu devais bouffer quoi? Non, biffler. Ouais, biffler un cactus en fait. Attends, juste une seconde, pardon. Est-ce que quelqu'un peut rappeler la définition de biffler? Je préfère quand même. Ah, c'est mettre plusieurs coups de bite. Dans un cactus? Mais attends, mais c'est quoi ce pari à la con là? C'est le biffler, ouais. Bah, c'était fin de soirée. Hein. Ah ouais, mais là, ouais, il faut, mais c'est sûr. Mais... Ah, ouais, fin de soirée, ouais. Rien qu'à l'idée, j'ai mal. Putain. Eh ben, on prend un cactus dans le studio, tiens. D'accord, mais c'est toi qui biffle. Ah non, c'est toi. Non, moi, je peux pas être partout, là. Bah, je suis sûr. Ma bite, malheureusement, ne viendra pas demain c'est à la radio. C'est ça. Et du coup, t'as eu mal, j'imagine? Ouais. Mais pendant combien de temps? Oula, un bon quart d'heure. Ah oui, quand même, hein. Ah, bah oui, ça doit être archi violent. Ouais, tu m'étonnes. Et depuis, elle a été hors service pendant combien de temps? Non, elle remarche. Hein. Ah, bah tant mieux. Et alors, deuxième, dernière question plutôt. Quel était le pari que t'as perdu? Bah, c'est biffer un cactus et sinon c'était l'autre qui devait le faire aussi. Ah oui, d'accord. Donc en fait, le truc, c'est t'es pas cap en fait, plus qu'un pari. C'est cap. Ouais, c'était vieux truc quand ils étaient tous bourrés. Et... D'accord, cap, pas cap, quoi. D'accord, ok. Et bon, bah écoute. Bourré, hein. Ouais, bah c'est des trucs à la con, effectivement. Raphaël, qu'on regrette après. On s'en marre quelques semaines après, mais sur le coup, effectivement, tu tires un peu la gueule quand même, hein, c'est sûr. Ouais. Bon, après, on recommence. Ouais, bah t'en feras d'autres, c'est sûr. Ouais. Bah merci Raphaël, en tout cas, d'être passé. Hein. Ouais, je te passe une dédicace. Allez, vas-y, à une seule personne, c'est la règle. Attention, choisis bien la personne, ne te trompe pas. Ah, tous les bons copains. Ah bah voilà. Bah, il prend pas de risque comme ça, c'est bien, ouais. Bon bah salut Raphaël et bonne soirée à toi, à bientôt, hein. Allez. Et en parlant de copains, n'oublie pas de dire à tous tes potes là qu'on est sur Fun Radio là tous les soirs 20h-23h. Ouais. Ça roule, je crois que sur toi. Eh ben tant mieux alors, parfait. Bon bah allez. Merci à toi, salut à toi, à bientôt. Salut. Ciao Raph, bye. Et puis il y a aussi Maïlis qui voulait réagir, tiens, par rapport à Jordan, on l'a plus mais c'est pas grave. T'es là Maïlis? Oui, je suis là. Bon, très bien. Sois la bienvenue. Alors, il y avait plein de messages qui étaient arrivés là par rapport à ça. Donc, c'est un message qui est arrivé qui disait que c'était effectivement des pets vaginaux, que ça peut arriver et que c'est avec le va-et-vient en fait quand on est en train de faire l'acte dans une douche par exemple qui peut provoquer c'est effectivement ce bruit de pets. C'est rien de grave, mais il y en a qui ont peut-être du mal à s'y faire. Alors, du coup, on a perdu Maïlis. Bah voilà, elle a eu peur. Eh ben, elle est partie, Maïlis. Bah c'est pas grave. En attendant, il y a des messages sont arrivés. Juju qui dit soirée au top du top de top avec Mickaël. Mais merci Juju. Anaïs qui dit aïe, rien que d'y penser ça fait mal même en tant que meuf, Mickaël. Ah ouais, par rapport à l'histoire du cactus là, c'est sûr. Ouais, Denis qui dit défoncer. D'où on a cette idée de bifler un cactus, même Toff est choqué, c'est pour dire. Bah je vous le dis, je confirme. Ouais. Ah ouais, non mais il y a des trucs que je peux pas faire et mettre en danger mon anatomie, je peux pas. Ouais, bah pourtant ce serait bien pour tout le monde, hein. Axel aussi qui dit qu'est-ce qu'on fait pas comme connerie en étant bourré, ça c'est sûr. Guillaume qui dit mort de rire Toff avec son histoire à la con. Le mytho du mytho. Ah non, mais Toff, c'est pas possible ça quand même. Et puis Samuel qui dit, vous avez trop la classe, fun, continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Merci Samuel, sur Facebook. Et Florian qui dit, je vous suis depuis le premier jour, vous êtes toujours aussi parfait. Toff, mon modèle. Oh putain. Oh, je te remercie. Le pire, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent ça, ça m'inquiète énormément. Ça. Ouais. Énormément. Bon, Maïlise, alors pour terminer avant l'arrivée de Party Fun, là, Maïlise donc de Toulouse. Et toi, ça t'est arrivé les bruits vaginaux, les pets là? Non, ça m'est pas arrivé, mais enfin, en fait. J'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Eh ben ça recoupe. Bon bah écoute, Maïlis, hein, on va faire ça un autre jour, on verra bien. C'est pas grave. Anthony qui dit c'était trop bien comme tous les soirs, et puis Wendy qui dit une petite vanne avant la fin de l'émission, Toff. Oh non. Un petit quoi, vous voulez un dernier mytho avant de partir? Non, je crois que c'était juste une blague qu'elle voulait, mais vas-y pour le mytho, hein, si tu veux. Bah non, comme tu veux, un mytho ou une blague? Bah attends, un mytho, on était sur la soirée un là. Mytho, alors. Bah en fait, c'était pour un concert là. En fait, il y a une meuf qui me harcelait un peu pour un genre. Non, c'est pour avoir des places, hein, pas pour moi. Ah d'accord. Non, je m'étais inquiété à un moment, tu vois. Non. Et donc comme là, le truc était un peu loin, j'ai commencé à la tchatcher un peu, machin, etc. Et donc au final, je finis par la serrer. Ouais. Et sauf qu'il reste encore un peu de temps avant le concert, et du coup bah j'ai serré une autre meuf à qui j'ai filé les places, j'ai filé les places à une autre meuf pour pouvoir la serrer après le concert. Bon, et donc j'ai dit à la première, non, je suis désolé et tout, j'ai pas pu avoir de place à la radio. Ouais. Tout le monde s'est jeté dessus, j'en ai pas eu. Bien sûr, évidemment, et tout le monde s'est jeté dessus, ça c'est sûr, effectivement. Ouais. Bon, c'est pour aller voir Justin Bieber, mais bon. Ah oui, bah oui, rien que ça, très bien. Bon, allez, passez une bonne soirée, tout le monde à l'écoute de Party Fun dans quelques instants. Nous, on revient demain à partir de 20h. Ouais. Alors attention, demain, c'est le jour du Chéri, je peux te faire cocu. Donc si vous voulez vous inscrire, il y a des appareils photo numériques ou des écrans LED 40 pouces à vous offrir. Donc c'est vous qui choisirez, hein, tout simplement. Ce sera demain soir à partir de 20h. Et pour vous inscrire, facile, suffit simplement de me faire un petit mail à mikl@funradio.fr. Voilà, bonne soirée tout le monde, et donc rencard demain à partir de 20h sur Fun. 20h, 23h. Fuck, I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Voilà, et puis Party Fun maintenant en mode Econ. Ce sera jusqu'à 1h du mat avec Adrien, et puis Adrien derrière évidemment jusqu'à 6h du mat. Ensuite, c'est Jay pour le Morning Dance Floor. Si vous voulez évidemment lui envoyer des petites photos ou des vidéos pour son Facebook, il adore ça, donc n'hésitez pas, évidemment je compte sur vous. Vous envoyez ça sur son mail, hein, j@funradio.fr. Difficile à épeler, alors du coup je galère un peu, donc vous lui envoyez ça, il postera ça demain avec plaisir à partir de 6h du mat. Bon bah la bonne soirée à tout le monde. Oui, ah bonne soirée, surtout, oui. Laissez-moi bien dans ma merde, hein. Bonne soirée. Je pensais que t'allais dire autre chose. Bah non, je disais bonne soirée à tout le monde. Et puis bah aussi, félicitations Marseillais là qui ont gagné le match ce soir face à Guingamp 3-1. Comme ça, vous êtes au jus. Allez, bonne soirée tout le monde. Rencard demain des 6h, je dis rien à voir, des 20h. Et puis c'est Party Fun by Econ maintenant sur Fun Radio. Ciao tout le monde et bonnes vacances. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Si t'as pas de Sam, t'as le seum. Fun. Fun Radio.